Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Sébastien F. Gartin sortira des sentiers battus ou plutôt des sentiers déneigés dans son bulletin Gartin. Et de mon côté, dans Tania is gonna entertain ya, eh bien, deux sujets aujourd'hui, Walmart et la révolution agricole au Québec. Assemblage Requis commence tout de suite, puis reste 14 émissions. Oh my God! Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 4 avril 2018. On est à 23 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, là où il fait extrêmement beau! Oh, c'est le fun! Hey, wow! Es-tu sûr que j'ai bien dit avril et non pas janvier dans l'intro? C'est incroyable, hein? Hier soir, je suis allée prendre une marche. Ouais. J'avais mon manteau de printemps sur le dos, des espadrilles dans les pieds. Et puis ce matin, j'avais un gros manteau ainsi que des bottes. On s'est levé ce matin, en fait, chacun notre bord. Ouais. Il faisait quand même relativement correct. Ouais, c'était pas si pire. Il a commencé à neiger plus tard. Exactement. Par la suite, j'ai texté Mathieu. J'ai dit, oh, quel déluge! Regarde the wall! Regarde the wall, parce que c'est pas cute. Non. Sachez qu'il y a plusieurs écoles qui sont fermées. C'est entre vrai? Autres, Commission scolaire de la Riveraine, Commission scolaire de l'Énergie et Commission scolaire Chemin du Roi. Mm-hmm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les écoles secondaires et primaires qui sont fermées. Les services de garde sont ouverts. Les écoles aux adultes sont ouvertes. Le cégep de Trois-Rivières pour le moment est ouvert, mais le collège La Flèche est fermé. Okay. Et bien évidemment, l'Université du Québec à Trois-Rivières, eh bien, c'est ouvert! Elle est dans la colonne de l'ouverture permanente. Exactement. L'UQTR, mais bon. Bref, aujourd'hui, l'émission, Tania, si tout va bien, on devrait avoir des chroniqueurs quand même. Oui. Il va certainement faire son chemin jusqu'à nous. Vers les 7h30, on a Sébastien Guertin pour son bulletin Guertin, fameux partout dans le monde. À 9h, on devrait avoir Gabriel Béhoud, chroniqueur pour Dans les coulisses de la Luitre, pour parler d'improvisation. Ça devrait avoir lieu à 9h. Ta chronique s'en vient deux fois aujourd'hui plutôt qu'une. Tania, je suis Tania, quoi tu nous parles aujourd'hui? Eh bien, on le sait, Walmart a fait parler dans les derniers temps. Ce n'est pas tombé dans les bonnes grâces de tous. On va faire le retour un petit peu sur ce qui s'est passé avec Walmart parce que ce mois-ci, là, on est le 4 avril, mais le mois de l'avril, c'est le mois de l'autisme. Ouais. Donc, il y a comme un lien à tout ça, vous allez voir. Et sinon, on va parler de la révolution agricole au Québec parce que c'est quelque chose qui se produit, Mathieu. Sache-le. On n'est peut-être pas nécessairement... Parle pas juste de l'amour et dans le pré. Non, exactement. L'amour dans le champ, c'est autre chose. Mais la révolution agricole, présentement, c'est quelque chose qui se produit au Québec, au Canada et un peu partout dans le monde. Et vous allez voir que le Québécois qui est derrière tout ça fait jaser pas mal. Oh, on va faire ça en deuxième et en troisième heure. T'es deux chroniques de Tania S. Gonin-Jutinia. Autour de ça, des chroniques maison, bien sûr. Mais on commence avec de la musique, évidemment. Et oui. On se commence calme, même si des fois, juste avant notre émission, je sais pas, il y a des petites chansons un petit peu moins douces. Oui, hein, toi aussi, t'as remarqué. C'est supposé être doux le matin, mais bon. On écoute Foisy. Voici Chisasibi tout de suite à Assemblage Requis. Thank you. La bière, c'est Chisasibi de Foisy à Assemblage Rocky. Et maintenant, on fait son foutu palmarès. Oui. Aussi, par le reste, on est allé sur un sujet plus ou moins précis. Et toi et moi, encore une fois, séparément, on déménage ben dans ouais. les prochains mois. Et on doit se débarrasser de certaines affaires avant de déménager, sinon tu déménages pour rien. En effet, hein? En effet. Donc, un petit bloc maison, déménagement, trucs comme ça. Hein? Commençons par des règles à suivre lorsqu'on veut se débarrasser de certaines choses dans la maison. Hein? Quand on a un petit appartement ou qu'on déménage d'un grand à un petit appartement, il y a des trucs à faire, des trucs à acheter, bon, sors le sac à poubelle, mais il faut que tu prennes des décisions. Hein? Et c'est Jackie Denny, qui est cofondatrice du site web Everything But The House, qui a une bonne connaissance là-dedans, qui nous fournit quelques petits conseils. Commençons en jetant les choses que tu n'utilises pas 80%, moins de 80% du temps. Okay. Si tu utilises quelque chose 80% du temps, tu devrais le garder, sinon tu t'en débarrasses. Donc c'est garder seulement la base, recommande-t-elle. Elle nous conseille donc de jeter tout ce qui est les achats expérimentaux ou impulsifs. Et se débarrasser des choses qui sont tellement spécifiques qu'elles servent presque jamais. Je sais pas, ça pourrait être des trucs de Noël. Je sais pas trop qui servent pour faire des œufs de Noël. Les trucs comme ça, c'est ce qu'elle dit dans son article. Bref, pour la cuisine, elle te dit... Prends les chaudrons et les poêles que tu sers le plus souvent et le reste, débarrasse-toi-en. Ouais. C'est pas mal ce qu'elle dit. Ça ressemble à j'aime ça. J'aime ça. Donc, elle dit que moins, c'est plus. Elle dit de ne pas se prendre une unité de stockage, là, tu sais, comme dans les dépotiums et autres endroits qui te permettent de louer un casier, là, avec, comme à Canal D, pour mettre aux enchères, là, bref. Donc, ces unités de stockage-là, elle dit de ne pas s'en servir. Les gens mettent ça là-bas parce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin, mais ils ne sont pas encore prêts à dire au revoir. Donc, si elle a fait l'erreur d'envoyer quelque chose là-bas, elle suggère de le jeter après un an environ. C'est pas pire, un an, si tu n'en es pas servi en un an? Ouais, hein? C'est bon, c'est... Ensuite, faire la différenciation entre la décoration et tout ce qui est de trop chez toi. Ben oui, clairement. Donc, la ligne entre le décor et les trucs que t'as pas besoin. Hein, est-ce que cette statue-là est vraiment là pour être belle ou est-ce que c'est juste parce que t'es pas capable de t'en débarrasser parce que quelqu'un te l'a donné, je sais pas trop quoi. Faut que ça ait rapport avec ta personnalité, la décoration. Hein? Et si t'as des multiples d'un même article, donc t'as plusieurs fois la même chose, ben tu peux peut-être en garder juste un. Mm-hmm. Hein? Ensuite, elle dit d'estimer, il faut estimer un petit peu la valeur de revente de tes articles. OK. Vendre des choses qui pourraient être revendues. Maintenant que tu as mis tout ce qui n'était pas essentiel de côté, tu devrais regarder de quoi tu essaies de te débarrasser, que ce soit des livres, des pots de fleurs, des trucs que je sais pas, des paniers, d'osier. Donc, les trucs vintage, les gens aiment bien ça. Hein? Mm-hmm. Donc, essaie d'estimer si tu es capable de vendre ça ou d'aller le porter à un endroit qui pourrait s'en servir mieux que toi. Hein? Pas pire. C'est quelque chose qui est d'une production limitée ou quelque chose qui vaut vraiment cher, il faut se renseigner aussi là-dessus. Oui. Sinon, c'est fait de métaux précieux aussi. Oui. De l'argent, de l'or, évidemment. Évidemment. Ensuite, justement, vendre les trucs artistiques qui ont de la valeur. Oui. Ouais, donc la valeur sur le marché peut changer d'un endroit à l'autre. Les trucs décoratifs produits en masse, évidemment, ça sert pas à grand-chose de vouloir revendre ça parce que ça vaut rien. Mais ceux qui sont originaux, signés par l'artiste peut-être, hein? Elle recommande d'aller voir une source en ligne comme son site web, évidemment, Everything But The House. Et finalement, garder ce que t'aimes. Oui. Ça, c'est clair. Les articles qui t'amènent de la c'est joie logique, dans la vie. Ouais. C'est très logique. Tu les gardes. C'est ta règle numéro un. Est-ce que t'aimes ça? Oui, ben garde-le. Bon. Hein, après ça, tu peux rien à dire. Hein? Ensuite, on continue avec une autre liste sur des trucs pour se débarrasser, justement, des choses qui prennent trop de place. Mais pour ceux qui se sentent un petit peu, comment dire, ensevelis. Ouais. Genre, tu te sens un petit peu mal, t'es anxieux, angoissé. Un petit peu, t'as de la difficulté de te débarrasser de certaines choses. OK. Hein? Il y a le chaos dans ta tête. Il y a un signal d'alarme qui se fait aller. Ton niveau de stress est autant là. Donc, il faut que t'essaies de te débarrasser quand même de certaines affaires. Et justement, on a quelques trucs là-dessus. Et on essaie de rendre sa vie un petit peu plus simple là-dedans. Pour commencer, on dit de créer une raison d'être positive à ta maison. OK. La pensée positive pour essayer d'éliminer l'anxiété, pour s'organiser un petit peu. Hein? Mm-hmm. Donc, ça va prendre environ un an, nous dit-on, pour... Tu dis que ça va te prendre un an pour t'organiser, mais ça va pas te prendre un an du tout. Une fois que tu vois la graine de la négativité te dire que ça va prendre un an, c'est là que tu vas devenir angoissé, que tu vas paniquer et que tu seras pas capable de gérer ça. Tu vas voir ça comme une grosse montagne. Ouais. Donc, il faut juste changer un petit peu ta façon de penser pour pouvoir t'organiser sans aucun stress, nous dit la personne qui a écrit cet article-là encore une fois. Et quand tu dis ça, ben là, t'es prêt à attaquer ton grand projet. Ensuite, tu te fais un plan. Hein, juste parce que t'es positif dans ta tête, ça veut pas dire que t'es prête à te débarrasser de certaines choses. Donc, l'anxiété, évidemment, est imprévisible, mais avoir un plan en place, ça va descendre un petit peu le niveau de stress. On nous suggère d'écrire... les avantages que ça t'apporterait de te débarrasser de certaines choses dans la vie. Ça pourrait être une pièce au complet, un tiroir, des trucs dans un garde-robe, peut-être même ta boîte de courriel. Mm-hmm. Hein? Et puis, bah, c'est ça. Si ton anxiété va être pire quand t'es désorganisé, moins pire quand tu vas être organisé. Faut te dire ça. Ensuite, choisir une période horaire et une durée de temps et suivre ce plan-là. Évidemment, on dit toujours que commencer, c'est l'étape la plus difficile. Donc, même avec un plan, on regarde le nombre de tâches qu'on a à accomplir et ça peut être intimidant et même créer de l'anxiété. Donc, choisissez-vous une journée de la semaine. Choisissez votre première priorité. Mettez-vous un minutaire pour la durée que vous croyez confortable. Ça peut être 5 minutes pour commencer, peu importe. Et après ça, ben, tu clenches. Je suis un grand fan de clencher les choses. Ensuite, pour se débarrasser de trucs qui ne vont pas dans ta vie, peut-être rendre ça amusant. Oui. Hein, ça va avec la pensée positive. Donc, c'est ça. À la place de penser à tout ce que tu pourrais faire autre que faire ça, te débarrasser de tes articles pas nécessaires, ben, tu pourrais prendre ton temps pour prendre soin de toi. Donc, en te versant peut-être un petit peu de vin. Hein, oui. En faisant un petit cocktail. Certainement. Sinon, l'article nous dit de peut-être s'acheter une paire d'écouteurs sans fil ou d'écouteurs avec réduction du bruit, peut-être, pour réussir à focusser un petit peu pour se débarrasser des choses que vous devez vous débarrasser. Ensuite, oubliez la perfection. OK. J'aime bien cette étape-là quand même. On est tous, peut-être pas tous, mais il y a beaucoup de gens qui sont perfectionnistes dans la vie. Hein? On a des attentes irréalistes, on s'emporte un petit peu, on veut que tout soit parfait, exactement comme dans un magazine quand on se débarrasse de choses ou qu'on fait le ménage. Le perfectionnisme, c'est quelque chose qui est là pendant toute la vie, hein? Mais il ne faut pas se laisser faire par le perfectionnisme, nous dit-on. Restez sur votre plan, complétez vos tâches et récompensez-vous ou félicitez-vous d'avoir accompli quelque chose. Mm-hmm. Et évidemment, la dernière étape, c'est de s'assurer que ça continue comme ça. Hein? Ben parce qu'une oui. fois que tu as fait ton ménage, que tu t'es débarrassé des choses pas importantes, il faut que ça continue comme ça. Hein? Pas le choix. C'est pas mal ça, finalement, pour celui-là. Hein? Si vous souffrez d'anxiété, peut-être, quelques petits conseils pour vous. Et ensuite, tiens, j'avais trouvé celui-là qui était quand même intéressant, c'est comment faire son lit. Je trouve ça quand même sympathique parce que apparemment qu'on faisait notre lit... indépendamment, incorrectement. OK. Incorrectement. Il y a mieux, évidemment, qu'un bon lit bien lavé, bien propre. Hein? En effet. Quelques petits conseils qu'on devrait utiliser pour commencer. Quand on fait son lit, de faire des coins d'hôpitaux. Mm-hmm. On appelle ça aussi des coins militaires. Hein? C'est un truc quand même relativement connu. Là. C'est vrai. C'est bien testé à travers le temps pour faire un lit très, très propre. C'est de passer donc le drap en dessous du matelas pour le garder en sécurité, là, bien pogné, là, comme un cadeau. Hein? Vous pouvez aller voir une petite vidéo dans l'article là, si vous voulez voir comment le faire. Ensuite, si vous avez déjà travaillé dans un hôtel comme personne de ménage, peut-être qu'allez-vous connaître ce prochain truc qui est les oreillers de la personne qui fait le ménage, les housekeeper pillows. Donc, ils vont faire un chop de karaté dans l'oreiller du côté de la longueur dans le milieu et ensuite vont la plier en deux d'un côté en tenant les deux coins ensemble. Ça va être beaucoup plus facile après ça de mettre l'oreiller dans la tête d'oreiller. Ben oui, clairement. Et quand tu lâches les coins, ça va faire les ajustements et remplir le reste de ta tête d'oreiller avec ton oreiller. Encore une fois, il y a une vidéo dans l'article, mais je trouvais ça cool. Ensuite, la couverture de ta douillette. Tu sais, des fois, ta douillette est dans une espèce de truc avec un zip. Là, oui. C'est comme du genre de... C'est quoi? C'est du coton qu'il y a là-dedans, c'est quoi? Ben, souvent. Il me semble, c'est ça. Bref, c'est sûrement la partie la plus difficile lorsqu'on fait son lit, mais plus maintenant. On essaie le prochain conseil qui est le Inside Out Duvet Cover, qui va vous sauver tout plein de temps. Donc, vous allez commencer en virant votre duvet à l'envers. Vous allez prendre les deux coins et ensuite, dans le fond, la vidéo l'explique mieux que moi, là, mais j'ai vu la technique du burrito aussi. C'est que tu mets ta couverture et ton duvet les uns dans l'autre. Et après ça, tu vas comme rouler et dérouler après ça pour que ça vienne comme mettre ta couverture par-dessus ton... Ouais, c'est un peu difficile à expliquer, celui-là. Ouais, hein? Ouais. Ensuite, on vous suggère de ne pas sécher vos couvertures complètement. D'accord. Ouais, ça, j'avais jamais entendu ça. Moi non plus. Non. C'est la première fois. Il y en a qui disaient qu'on devait passer le fer à repasser sur les draps après les avoir lavés et avant de faire son lit. Il y en a qui disent que c'est un bon conseil, mais d'autres disent que pour éviter de repasser, vous devriez sortir vos draps de la sécheuse juste avant qu'ils soient complètement secs. Comme okay. ça, vous allez pouvoir les étirer, les aplatir et éviter d'avoir du froissement sur ton drap. Ah, ouais. Apparemment. Et c'est mieux de faire ça le matin pour que ton lit soit sec une fois rendu au soir. J'aurais jamais pensé à ça. Moi non plus. Ah. Et ensuite, on suggère de finir avec des coussins décoratifs, bien sûr. Donc, décorer votre nouveau lit avec quelques petits oreillers d'accent. Hein? Mm-hmm. Mais c'est facile d'aller trop loin. Et là, tu commences à mettre des toutous partout. Ouais. C'est pas mieux. Hein? Voilà. Donc, pour des petits trucs de magazine un peu, mais quand même, je trouvais ça intéressant un petit peu. On écoute une autre pièce avant de continuer avec Sébastien qui s'en vient. Sébastien Viertin pour son bulletin Viertin. Bien hâte de voir de quoi il va nous parler aujourd'hui. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais avant ça, on va retourner en hiver. On l'a dit, on est de retour au mois de janvier aujourd'hui. Ouais. Donc on va prendre ça ressemble pas mal à ça en tout cas. La route vers l'Alaska. C'est Scenic Route to Alaska. Voici How It Just Feels. Got back in time. Assemblage requis. Pendant qu'on a le temps, avant que Sébastien arrive, on va se faire le petit bloc des palmarès, c'est fou. Mm-hmm. Ah oui, c'est le moment de se rendre à notre négligé palmarès, c'est fou. Aujourd'hui, on va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées. Oui, bien depuis, oui. Depuis les précédents palmarès, c'est des vieilles pièces cette fois-ci. De très vieilles pièces, vous allez me dire, ouais, j'ai pas entendu tant que ça, ouais, c'est vrai. Mais elles sont quand même très vieilles. Donc voici Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Au 1er avril 2018. Eh bien, on a commencé tout ça, en fait, avec Fanny Bloom et On S'aimera qui sont restés là pendant 7 semaines. Mm-hmm. Hibou Hibou a fini par tomber en bas de sa branche avec Couleur néfaste qui a duré 9 semaines. Velvet et Garçon est resté là pendant 8 semaines. Mm-hmm. Milk and Bone a fini par passer date avec Nevermore qui a duré 8 semaines. Et puis, on a suivi les chemins devant nous avec Gone, Dogs et The Road Ahead qui est resté là pendant 8 semaines. Voilà pour Palmer Rest in Peace, mais comme on a du temps encore un petit peu, on va s'écouter une pièce au complet. Oui, hein? Certainement. On a choisi celle de Fanny Bloom. Mm-hmm. Voici On S'aimera, tout de suite. Et ça parle de neige, en plus. Oui. Thématique. C'est pour ça qu'on veut s'en débarrasser. Dis-moi que la pluie qui s'éternise ne s'éternisera pas. Moi, je veux qu'ici, une douce brise à l'abri pour une fois. Dis-moi, mon petit, que la grande averse ne s'installera pas. Moi, je veux la mer comme une caresse bien petite dans tes bras. Si la avec toi. Avec les couleurs néfastes, précédé de Fanny Bloom avec On s'aimera, deux pièces qui nous ont quittés dans Palmerest in Peace. On prend une pause. Au retour, Sébastien F. Gartin et son bulletin Gartin. Qu'est-ce qui s'en vient, Sébastien, dans ta chronique? un hommage à mon grand-père. Ton grand-père? Ouais. C'est non, mais triste. Ben, ça a un lien. Quelque chose. Oui, ça a un lien quelque chose quand même. OK. Mais on surveille ça. Principalement un hommage à mon grand-père. OK. Restez là. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. De retour dans l'émission Assemblage requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Oh oui, on vous le disait tout à l'heure, nous ne sommes pas seuls. Oh non, non, non, il est là, il a réussi à se rendre. Oui, il a bravé la tempête. Pauvre gars, hein? Ben, on va se le dire, le pire problème que j'ai eu pour me rendre, c'est le fait que j'avais pas amené mes gants d'hiver avec moi, puis j'étais trop large pour retourner dans mon appart les chercher, fait que j'ai eu frette. Mais hey, j'ai-tu regretté ce matin de pas avoir mis Mathieu, que j'ai encore les cheveux 30? Ouais. Ça n'a aucun sens. Ouais. Mais c'est pas vrai, il fait pas mauvais dehors. Moi, je vis dans le déni, il fait très bien. Tout va très, très bien. OK. C'est le gros déni, Mathieu, c'est ça, ce matin. Donc, voici Sébastien F. Gertin et son bulletin Gertin. Sébastien Gertin et son bulletin Gertin qui chaque semaine prend un sujet, l'explore un petit peu, hein, nous renseigne, nous met au courant. Et là, je pense que le mot courant a un lien avec ton sujet que tu vas nous expliquer par toi-même. Oui et non. Non, mais prends-le pas comme ça. Mais oui, en fait. Mais oui, c'est ça. Comme je disais avant la pause, c'était... En fait, pour parler de quelque chose d'actualité, je vais en profiter de faire un hommage un peu à mon grand-père, ouais. Léo Frigon. Oh. Qui ouais, le monde se demandait le F dans mon nom, c'est quoi? Frigon. C'est ça. Donc, mon grand-père, Léo Frigon, pour donner un peu de contexte, je l'ai connu juste à la retraite. Mm-hmm. Il a toujours fait du bénévolat. Il a construit 2 avions pendant qu'il était à la retraite. Des modèles d'avions? Des biplaces. Okay. Non, des vrais. Là. Avec la colle et tout. Ouais, c'est ça. De la colle, des bâtons popsicles. Quand j'étais enfant, on allait chez mes grands-parents puis il y avait des ailes d'avion dans le sous-sol. Oh, ouais, c'est cool, ça. Bon, il a fallu qu'il défonce un mur à m'amener de la maison pour sortir une partie de l'avion qu'il avait construit dans le sous-sol pour aller finir de la monter dans un hangar à l'aéroport. Ton grand-père était baladant à ce moment. Ce que je voulais dire, d'un, oui. Et une chose importante aussi, ben, du moment qu'il a pris sa retraite, il a toujours fait beaucoup de bénévolat jusqu'à tant que sa santé lui a permis. Fait que ça, c'est pour montrer que mon grand-père n'était pas un pogne-bang. Or, il a pris sa retraite à 55 ans. C'est le plus tôt possible, je pense. Hein, ouais, c'est ça. C'est que il est ingénieur pour l'hydro. Mm-hmm. Hydro-Québec. Hein? Et c'est ça. Ouais, c'est tu dois. On le passera pas. Mais c'est ça. Mon grand-père était ingénieur pour l'hydro. Puis sur la fin de sa carrière, sa job, ça a été en fait de superviser l'automatisation des centrales hydroélectriques. Imaginez, okay. On va se remettre en contexte. Son grand-père avait 55 ans quand il a pris sa retraite. C'est son grand-père. On parle des années 80. Là. Et l'automatisation commençait déjà. C'est ça. On parle de fin des années 70, début des années 80. C'est pas nouveau, là. Mm-hmm, c'est pas nouveau. Il y a des gens qui perdaient leur job. C'est ça. Puis c'est exactement, c'est qu'à un moment donné, quand mon grand-père a eu une offre de prendre sa retraite, ben, il l'a pris tout de suite parce qu'il était écœuré qu'il y ait des pères de famille qui perdent leur job à cause de ce que lui faisait. Ouais. Fait qu'il avait plus. Il était tanné d'avoir ça sur la conscience. Fait qu'il a pris sa retraite très tôt. Alors qu'il faisait juste faire ce qu'on lui demandait. Mais bon. C'est ça. Mais tu sais, ça pour dire que c'était quand même l'architecte de la chose. Puis il y avait un malaise avec ça. Puis là, j'en parle parce qu'effectivement, ça date de loin des gens qui perdent leur job à cause des nouvelles technologies, puis oui, de l'augmentation de l'efficacité. Pas nécessairement des robots, là, à l'époque, ça pouvait être juste un ordinateur avec une disquette. C'est ça. Ben, c'est qu'en fait, je voulais servir de ça. Je voulais me servir de cette histoire-là pour introduire l'idée de la taxe robot, justement. Mon collègue de la sortie de secours, Lucas Hubert, a publié un texte, ma foi, très, très vulgarisateur et bien écrit. Sur la question de la taxe robot, parce que ça commence à faire jaser un peu. Puis, là, je dis taxe robot, on s'imagine taxer R2D2, c'est pas ça. Là. C'est vraiment on appelle ça taxe robot, mais en fait, ça, on devrait dire taxe sur l'automatisation du travail et la perte de revenus pour l'État. C'est un peu long. Hein. C'est ça. Mais c'est le fun qu'ils trouvent des mots pour robot. Ouais. R-O-B-O-T, là, mettons, tu trouves un mot pour chaque. On le fera pas à matin. Ouais, non, c'est ça. Attaque sur robot. Bon, ok, ouais, tu veux dire utiliser robot comme accro... Okay. Exactement, ouais. Hey, j'ai été là sur celle-là. Ah, ça va. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, ben, le souci que mon grand-père avait dans le temps qu'il a pris sa retraite, c'est un peu le même souci, dans le fond, qui ressort, en fait, de l'idée de la taxe robot. C'est que, bon, l'idée est simple. Il y a de l'automatisation du travail qui se fait de plus en plus, y compris... Oui. Pas juste de la grosse machinerie lourde qui remplace des jobs humaines faits à bras qui étaient dangereuses pour la santé et ainsi de suite. Puis c'était des jobs non qualifiés souvent. Maintenant, c'est même les jobs qualifiés ou même les jobs de relations humaines, entre guillemets, qui sont remplacés. Puis là, on se dit, ouais, mais on n'a pas encore comme d'androïdes qui se promènent puis qui nous servent chez Walmart. Non, mais il y a des caisses automatiques, par contre, chez Walmart. Ouais. Puis ça, ça... Et une madame qui remplace comme 7-8 caisses. C'est ça. Ouais. C'est que... Sa genre se qualifie comme robot, puis en fait, dans le sens qu'on l'entend, ça se qualifie pas. Ça se qualifie c'est en fait exactement de ça qu'on veut parler. Puis quand tu la regardes, la machine, elle dit veuillez enlever vos sacs. T'sais, genre, elle parle comme un robot, là. Mais c'est de l'automatisation quand même. T'sais, c'est remplacer de la job faite par des gens. Donc. Puis ça, c'est. D'ailleurs, rappelons que c'est dans un contexte où ce que là, c'est rendu bien établi dans notre culture, tu sais, les gros magasins grande surface comme Walmart et ainsi de suite. Mais ça n'a pas tout le temps été le cas. Si on remonte, moi je me rappelle très bien quand j'étais adolescent, au secondaire, donc au début des années 2000, on avait des... pour ou contre les magasins grande surface, c'était relativement nouveau. Tu sais, c'était des questions de débat qu'on avait dans... Je me rappelle dans mon cours de français en secondaire 3, que c'était une question dans un texte argumentatif qu'on faisait. Fait que mon secondaire 3, là, c'est quoi comme 2002-2003? Ouais. Fait que c'est pas si loin que ça, mais c'est parce que les gens qui travaillent maintenant chez Walmart, ben avant, ils travaillaient dans différentes petites boutiques. Fait que Walmart a comme un peu... Puis là, j'ai l'air de taper dessus, mais tu sais, il y a Dollarama, il y a... Name it, ça a tout ramassé les petites boutiques, ça les a fait fermer, éventuellement, parce que Walmart, on s'entend, ça rend... j'ai l'air de fesser beaucoup sur eux autres parce que c'est eux autres qui sont un peu les pionniers de ces caisses-là, entre autres. Et aussi parce que c'est probablement le cas le plus... flagrant et évident. Le plus flagrant et évident. La famille Walton, qui sont ceux qui possèdent Walmart, c'est parmi les plus riches au monde. Walmart, c'est le magasin de vente au détail. De loin, c'est la chaîne la plus rentable et avec le plus gros chiffre d'affaires au monde. Fait que, bon, tu sais... Mettons, je me permets de fesser sur le plus gros, là, mais c'est pas les seuls. Ça peut être ne serait-ce que les distributrices dans le pavillon Albert Tessier. Ils sont ici. Pas si intelligentes que ça, ils prennent jamais mes billets. Ouais, bah, jamais. Ça, c'est toute une histoire, là, mais. Ahama. Ouais, c'est ça. Ouais. Bref, on n'est pas trop stressé pour les petites madames de la CAF. Surtout que souvent, on va à ces distributrices-là, justement, quand la cafétéria est fermée. Exactement, c'est ça. Je dis petite madame, mais il y a aussi. Beaucoup petit de petits messieurs qui travaillent à CAF aussi à l'université, en fait. Ils sont pas tous petits, ils ont un petit step des fois quand ils sont trop petits. Mais... Hey, c'est vrai, ok, on parle. Mais bref, nous digressons. Ce que Lucas discute, en fait, c'est que ça commence à se parler de taxer le travail des robots. Okay. Donc, de ces machines-là qui automatisent et qui remplacent des emplois. Parce que, en fait, avant de parler exactement comment, il faut parler de c'est quoi le problème exactement. Il est, on pourrait dire, de deux types. D'un côté, on perd des emplois. Donc, déjà là, ça fait des gens qui n'ont plus... Ben, en gros, qui n'ont plus d'emploi. Donc, qui se retrouvent sur le chômage, ainsi de suite. Donc, une augmentation des dépenses pour l'État. Oui, c'est ça. Parce que des gens au chômage, des gens sur l'aide sociale, ben, ça coûte de quoi à l'État? Ça coûte plus cher que quand ils travaillent, on va se le dire. Sans shamer personne, ça reste que... Je veux dire, je veux pas sonner comme Éric Duhaime, puis mais tu sais, c'est juste un fait que si ces gens-là... Puis d'un autre côté, ben ces gens-là passent de du monde qui contribue à l'impôt, donc contribuable, à être des gens qui reçoivent, donc qui ne contribuent plus. Donc, l'État a des plus grandes dépenses et des plus maigres revenus. Mm-hmm. Donc, c'est un problème. Oui, clairement. Que fait-on? De façon tout à fait objective. Il y a Lucas, dans son article, il parle de deux grandes mentalités. D'un côté, François Hamon, qui se présentait aux présidentielles françaises, de l'autre côté, Bill Gates. Non. Les deux sont en faveur d'une taxe robot, pour chacun pour deux raisons différentes. En France, la méthode qu'on veut parler, c'est vraiment de considérer les robots comme des travailleurs. Donc, de paye des impôts, en fait. Okay. Genre, chaque caisse automatique paierait des impôts. C'est vers ça que ça s'en va un peu en France. Puis Hamon fait un peu du... Parce que si Jean-Luc Mélenchon, en France, était un peu le Bernie Sanders ou le Françoise David des présidentielles françaises, Hamon, c'est le gars qui est encore plus à gauche et encore plus pelleteux de nuages là, dans l'opinion publique. Fait que il va vraiment... Lui, ce qu'il voyait, en fait, c'est vraiment la fameuse société des loisirs qu'on s'était fait promettre dans le temps des Lumières. C'est-à-dire que les gens travailleraient très peu d'heures par semaine et vivraient sur l'automatisation. Mm-hmm. Et, bon, lui, ce qu'il disait, c'est qu'en fait... Il voit des licornes. Oui, okay. Mais ça a quand même... Ouais, c'est ça. Là, j'ai l'air, puis j'ai même l'air de caricaturer, puis ça a l'air caricatural la façon que j'en parle, mais en fait, c'est quand même assez rationnel, parce que si tous les travaux plus manuels mm-hmm. sont faits par des machines et que l'État est capable de maintenir son niveau de revenu, ce que ça fait, c'est que ça permet de libérer du temps pour les gens pour faire des projets plus créatifs, donc pour faire de l'innovation, pour se consacrer à une carrière artistique, ainsi de suite. C'est ça qu'on entend comme, mm-hmm. comme société des loisirs. Puis c'est qu'en fait, c'est que les gens travailleraient dans vraiment ce qu'ils veulent et non en fonction de ce qui est payant de travailler dedans actuellement. Mm-hmm. Ça, c'est un peu toute la puis c'est entre autres une des idées derrière ça, c'est le revenu minimum universel, revenu minimum garanti universel. Eh ben, le remugu. Non, pas de facile le matin. Tu vas l'avoir. Fait que l'idée, c'est ça, c'est de dire que tout le monde gagne la même affaire. En fait, c'est un peu le monde de Star Trek, carrément. Okay. C'est que de par ton être humain-étude, tu reçois un revenu qui te permet de vivre adéquatement. Tu sais, on s'entend, le but, c'est pas que tout le monde vive richement. Le but, c'est que tout le monde vive adéquatement. Mm-hmm. T'es capable de payer ton loyer, t'es capable de te déplacer, t'es capable de te nourrir, t'es capable de te vêtir. T'as le minimum. T'es capable d'avoir quelques loisirs aussi. Puis, ce que tu fais avec ton temps, tu l'investis dans ce qui fait du sens pour toi. Mm-hmm. Fait que tu finis par contribuer à la société quand même, ne serait-ce que parce que soit tu veux, comme dans Star Trek, c'est ça l'idée, c'est que les gens qui sont dans Starfleet, là, ce qu'on voit dans Star Trek, c'est des gens qui ont fait le choix d'être dans mm-hmm. Starfleet. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Mm-hmm. Ils le font parce qu'ils veulent aller explorer. Puis ça, il y a eu quand même, ça a l'air là, utopique à fond puis tout, mais aux États-Unis, en fait, il y a des villes, puis même on l'a testé au Canada, il y a des villes qui ont essayé ça, un revenu minimum garanti pour les gens. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les gens pouvaient rester sur leur beigne puis écouter la TV toute la journée. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que ça leur a fait une hausse de productivité, en fait. Mm-hmm. Parce que les gens se mettent à, justement, travailler dans ce qui les intéresse et non dans ce qui est payant. Donc, ils sont plus productifs parce que ça les intéresse. Puis, une des affaires, c'est qu'il y a eu un boom de l'entrepreneuriat. Parce que une des choses qui arrive, c'est que beaucoup de gens voudraient être leur propre boss. Oui. Mm-hmm. Mais c'est parce qu'il y a un stress financier de relié à ça. Non, on fera quand tu as un revenu minimum garanti, tu viens d'enlever ce stress financier-là. Tu le sais que peu importe à quel point ça marche pas bien au début ou des choses comme ça, parce que c'est souvent ça, là, quand tu pars une PME ou une TPE, c'est au début, c'est pas rentable. Ouais. Ça prend un peu de temps avant que ça peut te prendre une couple d'années avant de faire de l'argent. T'as besoin d'un coussin financier ou d'un filet. Fait que c'est ça. Soit faut que t'ailles bien de l'argent de côté déjà. Ou un motus de bon prêt. C'est ça. Des parents encore. Exactement. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait qu'à part quand que ton père est riche en tabarnak, faire la référence au. C'est une citation, ça, il y a des bénédictions. C'est une citation. Oui, ouais, exactement. On s'entend. Tu peux pas tout le temps être entrepreneur quand que tu voudrais l'être. C'est ça. À l'école, pas le temps de niaiser. Fait que là, je suis parti très, très loin pour parler un peu de l'idée de c'est François ou Benoît Hamon, je me rappelle plus. C'est Paul Hamon, je pense. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref, qui était candidat aux présidentielles françaises. Mais ça a l'air utopique, ça implique des grosses réformes par rapport à comment est-ce qu'on conçoit notre vie présentement, mais c'est pas nécessairement infaisable. Fait que ça, c'est d'un côté, puis de l'autre côté, juste pour pas me faire accuser de dire « Ouais, c'est une affaire de gars de gauche, votre histoire de taxe robot, puis tout. » Bill Gates. C'est dur d'être, je veux dire, pendant longtemps, l'homme le plus riche au monde, qui n'a été détrôné que récemment par Bezos d'Amazon. Puis que même s'il est détrôné, il resterait riche en maudit, hein? C'est ça. On s'entend, il est plus riche que plusieurs pays dans le monde, mis ensemble. Mais c'est ça. Bill Gates, lui, c'est de l'autre côté, en fait. C'est que ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait faire une taxe robot pour ralentir, mm-hmm. parce que ça explose, là, présentement, l'automatisation. Ça va trop vite, sinon. Ça va trop vite. Puis ce que ça fait, c'est que le marché du travail n'a pas le temps de s'adapter. Mm-hmm. Fait qu'on, c'est impossible qu'on reste dans le plein emploi présentement. Ça va créer des problèmes sociaux à terme. T'sais, lui, ce qu'il voit, en fait, c'est qu'il y a pas... C'est plus conservateur comme vision, c'est que ce qu'ils voient, c'est que c'est en train de changer nos institutions sociales, puis c'est de trouver un moyen de freiner ça pour que les institutions aient le temps de s'adapter. Puis quand je dis institutions, je vois vraiment au sens large. Quand je parle d'institutions, je parle la notion de marché du travail. Je le vois comme une institution là, dans ce sens-là. Là. Vraiment, là, d'un point de vue très sociologique, mettons. Là. Donc, c'est ça, ce que Bill Gates dit, c'est qu'il faudrait plutôt... lui, l'idée, c'est plutôt de ralentir l'intégration de ces technologies-là pour permettre aux gens de s'adapter, au marché du travail de s'adapter, aux formations de s'adapter aussi, et ainsi de suite. Parce qu'il se perd plus d'emplois à l'automatisation qu'il s'en crée présentement. Donc, on n'est pas gagnant là-dessus présentement, là, peu importe comment vous le calculez. Fait que la taxe robot là-dedans, qu'est-ce que ça vient exactement? Là, j'ai expliqué le problème, j'ai expliqué un peu la philosophie de comment est-ce qu'on veut que le taxe robot fonctionne. À cette heure, ça serait quoi une taxe robot? Parce que implanter ça, taxer le travail de l'automatisation, ça a un gros problème. Et puis, ce problème-là, si, pour ceux qui ont été un petit peu alertes de ce que je dis depuis tantôt, je définis pas c'est quoi un robot. Mm-hmm. C'est ça le gros problème. Ouais. Quand est-ce que ça devient un robot? Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, je vais être obligé de donner raison à Bill Gates, même si Hamon, il y a peut-être plus de mon... mettons que je trouve ça plus excitant, mettons, la proposition de Hamon, là, personnellement. Là. Mais je vais quand même être obligé de donner raison à Bill Gates. C'est que tu peux pas juste taxer le travail des robots puis pitcher ça de même. Il faut que tu définisses c'est quoi un robot, c'est quoi de l'automatisation, puis ainsi de suite. Puis c'est très difficile. Pis ça... Lucas en parle rapidement dans son article. Il part pas ce débat-là, mais en fait, il écrit des articles beaucoup plus scientifiques sur cette question-là. En fait, soit dit en passant, je vais vous donner un scoop, il est en train de devenir un peu mini-sommité québécoise dans le domaine. Il se fait traiter de sommité pas mal, oui. C'est ça, il est en train de c'est un des seuls en Amérique du Nord, en fait, à traiter de cette question-là présentement. Là. Fait que c'est ça. Fait que Lucas Hubert, c'est un nom à suivre. Lucas Hubert, des plugs à écouter. Bon, on l'invitera, hein? Ben oui. Ah ouais, mais il est pas supposé d'aller parler de ça, Mathieu Plancheau, justement. Hein? Spoiler alert, ça sent. Spoiler. Il reste 4 émissions. Ouais, avant. Dont 2 slots disponibles pour toi et pour Lucas, Sébastien. Fait qu'il va falloir en trouver une, hein? Ouais, en effet. C'est ça. On en jasera. C'est ça. Mais ouais. Demain avant mon émission. On en jasera. D'accord. Mais ouais, c'est ça. Un des problèmes avec tout ce que je parle depuis tantôt, c'est ça, c'est exactement comment tu définis qu'est-ce qui est du travail de robot, qu'est-ce qui n'est pas. Mm-hmm. Pour donner des exemples, ben justement, les machines distributrices, est-ce que ça en est? Ça va loin si ça, c'en est une. C'est ça. Parce que ça en laisse ça peu. C'est une automatisation. C'est quand tu regardes ça comme ça, c'est tout dépendant de ta définition. C'est vrai, ça. T'es repos dépendant, tu vas aller c'est à une machine exactement. Distributrice. C'est pas tellement plus complexe que les fameuses caisses enregistreuses automatiques chez Walmart. Ouais. T'sais, rendu là, la machine n'est pas tellement différente. C'est ça, exactement. Il y a un code quelque part qui lui dit quoi faire. Ouais. C'est pas structurellement qu'on va... C'est pas la forme, comme je disais. C'est pas R2-D2 qu'on va taxer. C'est pas les espèces de... Tu sais, je donne un exemple pour les jeunes des années 90, début 2000, les Furby, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui. On va pas taxer ça, là, parce que ça enlève de la job au chiot cute, là, tu sais. Pourtant, c'est un robot, là, tu sais. Ceux qui sont allergiques aux chiens, ils achètent un Furby, c'est connu. Ouais, c'est ça. C'est des petites machines qui sont faites pour simuler l'attachement avec un animal de compagnie. Pile poil. C'est horrible, moi je trouve, je regarde encore ces t'aimes affaires. T'aimes pas les Furby? C'est cool. Hey, ça fait peur. As-tu déjà vu un Furby sans ses poils? Un Furby sans ses poils, non. Ah, ça fait peur. Ça se trouve, ça, un Furby sans poils? Ouais, ben, écoute, il y a du monde qui ont enlevé le recouvrement. Là. Hein? C'est dégueulasse. On dirait une bête. Ah ben, Boswell. Ouais. T'es... Oh! Tu vois? Ben, tant qu'à moi, même avec du poil, ça a l'air un peu d'une bébé du diable, en tout cas. Ben, voyons donc. Il y en a un qui a l'air de Chewbacca, en passant. Mais t'en veux-tu encore un? Ben, avec poil, oui. Un chat sphinx puis un Furby pas de poil. Mais moi, je veux un original. Ah oui, OK. Je veux pas ceux qui sont roses, là, ou... Fluorescent. Ouais, il était quoi? Il était noir, puis il y en avait des bruns, puis des ça. Blancs, là. Ben, comme gris. Mais là, j'ai tapé sans poil, fait que ça fonctionne pas, là. J'ai marqué original. Fais attention, mais bon. Marque pas Herbie à poil. C'est Furby. Un Herbie Moreau à poil. Ouais, qu'est-ce les originaux étaient comme blancs et gris. Là. Ça ressemblait vraiment à un animal de compagnie, en fait. Ouais, avec une espèce de petit mélange de... Ça ressemblait à un gremlin un peu plus cute. Oui, ben c'est carrément ça. À peine plus cute, là, mais bref. Mais c'est ça, c'est un exemple qui m'est venu par la tête là, de, tu sais. Mais c'est pas faux. C'est, ouais, mais tu sais, on va-tu taxer ça de mais, même, tu sais. Non, mais t'sais, ça t'amène pas quelque chose en retour. C'est que la manière, comme je disais, que ça s'enligne pour fonctionner en France, c'est que ça regarde plus sur comme on définit un robot d'une telle manière. Mm-hmm. Puis on taxe tout ça. Okay. Ils vont payer des impôts maintenant. Fait que les compagnies Furby va-tu être obligé de payer des impôts, tu sais. Mm-hmm. C'est un peu un stretch, puis probablement que ça va être un ben là, non. Mais, tu sais, on ne sait pas. Mm-hmm. Donc, la manière plus simple, c'est qu'en fait, faut faire un petit bypass pour simplifier, en fait, la situation, mais c'est que faut voir, en fait, faut revenir au but de cette taxe-là. On peut, en économie puis en fiscalité, on peut dire qu'il y a deux grands types de taxes. Il y a les taxes normales qui visent à ramener des revenus à l'État. Le but, c'est que l'État ramène de l'argent. C'est une manière d'aller chercher de l'argent. Et il y a aussi ce qu'on appelle une taxe pigouvienne. Ah, j'aime le mot. Pigouvienne. Pigouvienne. Genre P-I-G-O-U, Vienne. Mm-hmm. Vienne. Vienne. C'est que ça, c'est un type de taxe, en fait, comme le meilleur exemple, c'est les taxes sur le carbone. Mm-hmm. Taxe sur l'essence, sur les émissions, ainsi de suite. Le but, c'est pas nécessairement d'aller chercher plus d'argent. On finit par le faire quand même. Ouais. Mais le but premier, c'est de modifier un comportement. Okay. C'est un incitatif à modifier un comportement. Pour que les gens arrêtent de fumer, tu vends les cigarettes plus chères, des trucs comme ça. Genre, exactement, exactement. Ou tu les caches. Pour que le monde arrête d'acheter des grosses cylindrées pour rien, tu taxes le gaz, puis ça fait monter le prix à la pompe. Mais est-ce que ça change vraiment littéralement après ça quelque chose dans le public? Là, l'exemple du gaz, en fait, c'en est un très mauvais, parce que si vous avez suivi votre cours d'économie au cégep en sciences humaines, il y a le principe le fait que la demande changera pas. Ah, ouais. Le gaz, à un moment donné, il y a du monde qui n'a pas le choix d'en acheter. Tu sais, t'as pas le choix d'en acheter du gaz à un moment donné. Fait que ça modifie un comportement, oui, mais. À peine. Remarque ça, puis le gaz, là, c'est vraiment une grosse parenthèse parce que ça a plus ou moins rapport. Là, c'était juste un exemple là, de taxe pigouvienne. Mais remarque que quand que le gaz est plus cher, si tu regardes les statistiques de vente de véhicules, tu vois un impact. Ouais, peut-être quand que les gens vont moins sortir en vacances, des trucs comme ça, peut-être. Mais pas rien que ça, c'est que là, le gaz est revenu à relativement cher dernièrement. Là. Je veux dire, il n'a pas encore réatteint les sommets qu'on a vécu il y a une dizaine d'années. Ouais, non, c'est ça, mais autour de 1,40 en tout cas, à Montréal. Ouais, c'est ça. Ben, même ici, il est pas mal rendu. Ouais. Ben, je sais pas, moi, le mien, il marche au super. Ouais, c'est ça. Ça coûte tout le temps cher, mais... là, mais... Mais c'est ça. Puis... Ben, dans le temps qu'il y a eu les grosses hautes, quand l'ordinaire était au-dessus de 1,50, ben, c'est dans ce temps-là que ça a commencé à se vendre beaucoup les autos électriques. Puis ça a rebaissé le marché après, quand que le gaz a rebaissé. Le monde se sont remis à acheter des gros camions. Les camions ont regrossi parce qu'ils avaient recommencé à les rapetisser un peu. C'est sûr que, bon, tu sais, tout n'est pas perdu, mais ça reste qu'il y a vraiment on constate un lien de causalité, là, quand mm-hmm. même. Là. On n'a pas l'impression, parce que les voitures de plus grosse taille qui ont été achetées dans le temps que le gaz était plus cher, ben, ils restent sur la route quand même. Fait qu'on n'a pas l'impression qu'ils diminuent, là, en observant, mais les statistiques de vente de véhicules, ça, apparemment qu'il y a vraiment, là, j'ai pas d'études à citer en particulier, mm-hmm. là, je pensais pas parler de ça, là, mais apparemment qu'il y a vraiment une grosse incidence, là, assez marquée. Là, la seule citation que t'avais aujourd'hui, c'était... Je m'en rappelle. C'est que tu dis avec tabarnak dedans tantôt. Ah, ouais, ouais. La citation du gars, là. Ouais, ouais, mon père est riche en tabarnak. Ouais, mon père est riche. C'est ça. Mais ouais, ça se google d'ailleurs, les gens qui savent pas c'est quoi l'inférence. Oui, ouais, non, mais googlez-le. Réveillez-vous. Un magnifique souvenir de 2012. Oh, c'est ça. Boy. Mais c'est ça. Donc, taxe pigouvienne qui vise à changer le comportement, ben, c'est un peu aller dans l'idéal de Bill Gates. Ben, l'idéal. L'idée de Bill Gates de dire, ben, on va taxer les nouvelles machines, dans mm-hmm. le fond. Pendant un certain temps, puis bon, là, tu sais, là encore, c'est pas un fiscaliste, là, lui, c'était quand même des grandes lignes de l'idée, mais de manière à ce que les jobs qui se perdent en raison de l'automatisation, ben, qu'ils soient compensés dans les revenus de l'État. Donc, ce que ça permet, c'est de dégager des sommes qui permettent, entre autres, d'aider ces gens-là à se retrouver de la job et, ben, de leur offrir le chômage pendant qu'ils s'en cherchent mm-hmm. une autre. Mm-hmm. Parce que des fois, ben, une des choses, c'est que quand t'as travaillé dans une shop une partie de ta vie, dans une usine qui finalement s'automatise, donc qui coupe une bonne partie de tes emplois, ben, c'est sûr que les premières victimes de cette manière-là d'automatisation, ben, c'est des gens moins qualifiés. Donc, des fois, ils sont obligés d'aller à l'école à un âge où tu t'attendais peut-être pas à retourner ces bancs d'école, et ainsi de suite. Fait que c'est peut-être un petit peu plus difficile, ça prend plus de temps. Fait que ces gens-là ont quand même besoin d'un certain support. Si, parce que là, je parle pas là, des bougons là, qui veulent pas, qui veulent pas travailler. Là. Je parle de gens qui veulent être sur le marché du travail, mais ils ont vraiment besoin qu'on les aide, qu'on leur donne des conditions pour ça. Donc, puis je mets de l'emphase sur les deux côtés un peu comme ça parce que c'est une idée qui plaît autant à la gauche qu'à une certaine droite, on s'entend. Droite centriste un peu. Hein. Ouais, c'est ça. On s'entend qu'il y a des droites extrêmes, que toute forme de taxation, c'est le mal incarné, puis c'est du communisme. C'est un Furby pas de poêle. Ouais. C'est ça. Mais un Furby pas de poêle. Moi, je vote pour que ce soit le hashtag d'aujourd'hui. Je suis en train de l'écrire. Furby hashtag well. Furby pas de poêle. Mais yeah, j'ai un hashtag. Bravo, ça fait longtemps quand même. Ça faisait longtemps, ouais. On a tendance à oublier la première heure de l'émission. C'est vrai. C'est ça, hein. Ouais. On se rappelle juste de la météo. Exact. Ouais. Les sujets difficiles en début d'émission. Là. Je songe à partir un bulletin météo pour les piétons. Ben, c'est, honnêtement. Pas populaire. Je dis pas. Ben, vous avez. Ils sont nombreux à Trois-Rivières. Ben, je sais. Vous êtes nombreux. Merci. À Trois-Rivières. Il reste 14 émissions pour starter ça. Ouais, hey, c'est ça, exactement. Quoique, tu sais, vous appelleriez peut-être assemblage bon matin. Bonjour. C'est assemblage ça. Bonjour. C'est ça. Salut assemblage. Salut Rocky. Ah, c'est salut cool. Rocky. Je pense que ça marcherait, ça. Oui, ça marcherait. Salut, je m'appellerais comment, Gino? Ouais. Gino Plante. Gino Plante. Matt Gino Plante. Matt Gino, c'est bon, ça. Ouais. On parlait de quoi, déjà? Taxe Picouvienne. Oui, ouais, que la droite pense que c'est pas. L'extrême droite penserait peut-être plus que c'est communiste. Mais quand même, il y a une bonne. Tu sais, je veux dire, dans le sens que ça plaît quand même à la majorité des gens modérés, mettons, on va dire ça de même. Parce que, tu sais, je veux dire, si tu vas à l'extrême gauche aussi, il y a du monde qui sont comme juste fuck le capitalisme. Mm-hmm. Puis, tu sais. Oui, ben oui, clairement. Mais tu sais, je veux dire, dans le sens que ça plaît quand même à un éventail varié de gens qui sont d'accord avec le principe. Souvent, c'est dans les détails que ça va différer un peu, mais c'est déjà pas pire. Il y a peut-être que quelque chose fait à peu près l'unanimité des gens modérés. D'habitude, ça regarde bien. C'est bon signe, ouais. Puis, ben, c'est un souci qu'il va falloir avoir. Puis, comme j'expliquais, la notion de taxe pigouvienne, ben, ça vient de rendre beaucoup plus facile la définition de ce qu'est un robot. En fait, c'est que tu te sauves un peu d'avoir à vraiment te creuser la tête pour définir c'est quoi un robot, qui est une job de philosophe et que même les philosophes se creusent la tête à le définir. Ben c'est qu'en fait, c'est que tu taxes l'effet en tant que tel. Donc, tu taxes les jobs perdus à l'automatisation. Fait que tu viens de te simplifier la vie pas mal. Ce qui est un robot du point de vue de la loi, c'est toute forme d'automatisation qui fait perdre les jobs. OK, ouais. C'est quand même assez clair. Puis là, le but, c'est pas d'être un ennemi de l'innovation, parce que ça, c'est ce que les grandes critiques vont dire. Non, c'est de... Ben, premièrement, de quand même permettre l'innovation, mais de ralentir l'implantation pour laisser, comme je disais tantôt, le temps aux institutions puis au marché du travail, puis ainsi de suite, de s'adapter à cette réalité-là. Ben, c'est aussi une autre parce chose à étudier. Parce que ça va très vite. Ouais, parce que ça, à quel rythme est-ce que tu décélères ça? Comment est-ce que tu fais pour savoir combien de temps ça a repris si tu ne l'avais pas décéléré? C'est un autre problème. Je ne suis point économiste et je ne suis point spécialiste de relations industrielles, j'imagine. Je ne sais pas quel domaine exactement qui jouerait là-dedans. Là, mais là, ça, c'est des détails plus d'applications. Clairement, oui. Ouais. Excusez-moi, ça, c'est mon alarme de mon deuxième café. Le bain. Je suis désolé. C'est le professionnalisme à la radio. Moi, je l'ai. Mais c'est ça, en fait. Hey, c'est tout. En fait, je pense que j'ai tout dit. Ouais. Hein? On remercie encore une fois ton grand-père maternel d'avoir participé à cette chronique-là. En fait, il n'est plus parmi nous, mais... D'avoir inspiré. Mes condoléances merci. Et mes félicitations. Ben, c'est déjà un certain temps. Ouais, ainsi que l'article de Lucas Hébert. Oui, sur l'IRIS. En fait, je sais pas si tu es capable de trouver le lien, mais sinon... Oui. Parce que... Honnêtement, même si c'est pas le genre de sujet qui vous intéresse, l'article se lit en 5 minutes. Là. Mm-hmm. C'est un vulgarisateur. Il a fait une très belle job de vulgarisation parce que, tu sais, je parle souvent de sujets comme ça, mais moi-même, toute cette question-là, les questions fiscales, moi, je comprends rien à ça assez souvent. Puis il a rendu ça vraiment là, accessible. Là, c'est une bonne lecture. Vous savez pas quoi faire, ces toilettes, là. C'est une bonne affaire à lire. Wow! Ça, puis écoutez, c'est fou, là. Même ça se passe, c'est ça. Vol. Hein. Ouais. Merci Sébastien Vigartin. Ben, ça fait plaisir. On se retrouve à la sortie secouée à votre gauche les jeudis soirs à 18h oui. pour encore quelques semaines pour la saison hivernale, une couple d'émissions. Et puis sinon, la semaine prochaine, mercredi, 7h30. Oui. Ici même à Salut Ruki. Salut Ruki. C'est ça. Merci Salut Ruki, assemblage bonjour. C'est ça. Bref, parlant de bol, tantôt on se demandait si David Ferron était endormi. Oui, ben sur oui, le divan, on s'est posé la question. Parce que son sac à dos est resté dans le bureau à côté. Il l'a peut-être juste oublié. Hein. Peut-être ça. Il était pas ouais. sur le divan. J'allais dire, j'ai dit à Tania, peut-être qu'il s'est endormi sur la bol. Ouais. Il est pas sur la bol aussi. Fait non qu'on plus. On cherche encore David okay, Ferron. C'est où est David? Ça, il y a jusqu'à demain pour se présenter. S'il vous plaît. Et vous pouvez le chercher sur Google Maps aussi. Après, où est Charlie? Ce sera où est David Ferron. On prend une pause. Au retour, Tania is gonna entertain you. Premier sujet, de quoi tu nous parles? Je vais parler de la situation. On en a discuté en début ouais. de chronique avec Sébastien, mais la situation de Walmart. C'est de Walmart. Ben, ouais. Colin, tout est dans tout. Ouais, du écoute, Walmart hein. bashing. Les grands esprits se rencontrent. Exactement. Hey, reste là. Assemblage requis. notre classique en ce moment, c'est L'hiver est long en Christ. C'est le nom de la pièce par Birmanie, Assemblage requis. Aujourd'hui, on sac beaucoup, mais c'est tout le temps la citation de quelqu'un d'autre. Ben oui, hein, on s'en excuse. Maintenant, c'est une sapristi de bonne chronique. Voici Tania's Gonna Entertain You. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna genie. On parle de Walmart, c'est le sujet chaud en ce moment. Oui, exactement. Bien, je vous en parle aujourd'hui parce qu'en fait, je veux mettre un petit peu de l'avant le mois de la sensibilisation à l'autisme. Oui, principalement. Donc, le mois d'avril. Et bien évidemment, il y a plusieurs gens qui sont touchés par ce que Walmart a fait, qui sont atteints d'autisme. Tu trouves pas que ça aurait dû être le mois doux, le mois de l'autisme? Ça a été mieux, non? Et là, là, Mathieu. Et boy. Donc, on va se le dire, c'est au Québec seulement. C'est les magasins Walmart du Québec qui embauchaient des personnes dites handicapées qui ont décidé de mettre fin à leur programme d'intégration au travail. Donc, c'est 26 magasins de la province qui ont été touchés, dont 3 en Mauricie seulement. L'information a été confirmée par le CIUS de la Mauricie qui assurait justement là, le placement de ces travailleurs-là qui souffraient de déficiences intellectuelles, du trouble du spectre de l'autisme ou tout autre handicap. Donc, est-ce que tu sais ce qu'ils faisaient? Bien, c'est ça. Ça dépend vraiment là, de qui on parle. Ça dépendait aussi des postes qui étaient ouverts. Mais tu sais, par exemple, récupérer les paniers dans les allées, remettre les choses sur les tablettes, que ça pouvait être aussi au service à la clientèle. Ça dépendait vraiment beaucoup de la personne et de l'état de la personne. Donc, en fait, c'est 19 travailleurs qui travaillaient dans les magasins Walmart de la Mauricie. Donc, 10 à Trois-Rivières-Ouest, 4 au Cap-de-la-Madeleine et 5 à Shawinigan. On leur a annoncé la fin de leur emploi lundi, soit 7 jours seulement après la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Le timing, hein, là-dessus, quel c'est... bon timing! Donc, la décision a été prise et elle a été imposée par la maison mère de Toronto. Okay. On s'entend, c'est les Walmart du Québec et c'est Toronto qui prend la décision. Ouais. Ça a été un choc pour les employés. J'imagine que vous avez été quand même conscient de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, les différentes vidéos aussi qui sont sorties. Charles Lafortune. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe en fait pour ces employés-là. Certains y travaillaient depuis près de 20 ans et là, du jour au lendemain, on décide de rompre notre lien avec ce programme-là. Donc, il y a des larmes, mais il y a également de belles réactions, en fait, qui ont suivi l'annonce. Il y a un employé, par exemple, souffrant de déficience intellectuelle qui l'a vécu différemment de ses collègues. Il a pris ses sous et il a décidé d'aller s'acheter une boîte de 50 Timbits pour partager avec les autres employés du Walmart. Donc, c'était un moment assez touchant. Ça dit pas qu'elle s'avère. Non, ça dit pas qu'elle s'avère, mais il y a des gens sur le terrain qui ont essayé de trouver un nouvel emploi à de nombreuses personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont levé la main en tant qu'entreprise de la Mauricie qui veulent justement peut-être subvenir à certains besoins pour ces emplois-là. Il y a des entreprises de la Mauricie qui participent à ce programme. Donc, il semble en fait que les 19 employés de la Mauricie là, devraient se retrouver du travail d'ici le mois de mai. C'est ce qu'on nous dit. Bien évidemment, le gouvernement du Québec a été déçu face à la fin de programme d'intégration de ces gens-là. Le gouvernement Couillard, par le biais de 3 de ses ministres, a été mis au courant, en fait, de cette grande nouvelle-là, parce qu'on s'entend que Walmart, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, c'est quand même un emblème de cash. Hein? Oui, c'est, oui. On va se le dire, c'est une grosse compagnie. Ça leur coûte pas tant cher que ça par rapport à d'autres trucs. Exactement, c'est un programme d'intégration, c'est un programme d'employabilité des personnes avec certaines difficultés. Donc, c'est dans un communiqué, en fait, conjoint qui a été publié vendredi vers la fin d'après-midi, que justement 3 ministres, dont Gaétan Barrette, qui est ministre de la Santé et des Services sociaux, Lucie Charlebois, qui est ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, et aussi le ministre François Blais, qui est ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, eh bien, on a souligné ensemble, dans un communiqué, qu'il s'agit s'agit en fait d'une responsabilité collective que de faire le plus grand nombre d'actions pour faciliter l'intégration au travail de ces personnes handicapées au Québec. Et je crois qu'ils ont totalement raison. Donc, on était un petit peu indignés de la chose. Il y a des décisions de Walmart qui est à l'opposé des actions du gouvernement. Et il tenait justement à réaffirmer que chaque jour, le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que de nombreux partenaires travaillent pour offrir aux personnes présentant une déficience intellectuelle ou encore un trouble du spectre de l'autisme plusieurs mesures qui permettent de développer leurs compétences vocationnelles ou encore de s'accomplir dans un environnement de travail. On s'entend qu'ici, en Mauricie, il y a Autisme Mauricie qui travaille aussi par le biais de pouvoir faire ça. Donc, on a des gens qui, justement, travaillent à pouvoir aider certaines personnes qui sont atteintes du trouble de l'autisme de pouvoir se trouver un emploi dans un environnement qui va être sain quand même. On veut pas envoyer ces gens-là pas mal n'importe où. Non. On veut s'assurer aussi que le travail qui va être accompli va être bien accompli. Et valorisant pour eux aussi. Et valorisant pour eux. On s'entend, comme tu viens très bien de le dire, ces gens-là étaient heureux chez Walmart de faire le travail qu'ils faisaient. Donc, plus que jamais, eh bien, on demande la participation sociale, en fait, de l'ensemble des Québécoises et des Québécois sur le marché du travail. On parle de l'inclusion sociale, encore une fois, et bien évidemment de la participation active à la communauté, ce qui constitue en fait des facteurs assez déterminants là, dans le développement des personnes qui présentent une déficience intellectuelle ou encore un trouble du spectre de l'autisme. C'est une décision d'entreprise, on s'entend. Walmart avait décidé de le faire conjointement avec un programme. J'ai tenté de chercher le nom de ce fameux programme-là. Il n'y a pas de nom existant au programme, c'est les municipalités, en fait, qui sont joints conjointement par ce fameux programme à plusieurs entreprises, et Walmart était là, bien évidemment. Donc, on a décidé de couper les ponts avec ce fameux programme-là, mais le nom du programme n'existe pas nulle part. Ouais. Mais c'est ça, s'il n'y avait jamais eu ce programme-là chez Walmart, les gens auraient trouvé ça normal qu'il n'y ait pas ça chez Walmart. Mais une fois qu'ils ont commencé ce programme-là, tu ne peux pas l'enlever. Exactement. En fait, par la suite, on a su que, bon, Walmart aurait peut-être pas annoncé les choses correctement. OK. La direction des magasins Walmart du Québec s'est excusée. Bon, tout ça s'est sorti vendredi. Mm-hmm. Les employés ont été remerciés vendredi. Ils ont reçu la nouvelle un petit peu plus tôt. Par contre, samedi, Walmart s'est excusé pour la confusion qu'ils avaient créée cette semaine après l'annonce de la fin du programme d'intégration au travail. Ils sont excusés de l'avoir arrêté. Ils sont excusés pour la confusion que ça a occasionné. Exactement. En fait, ils ont adressé un nouveau courriel à TVA Nouvelles. Et c'est le vice-président des affaires corporatives de Walmart Canada, donc Robert Nickel, qui a avoué que la façon dont le changement avait été géré avait créé de la confusion et de la déception. Mais encore. Ils sont lucides quand même. Exactement. De comprendre ça. En fait, il a décidé d'annoncer que son entreprise travaillait à offrir du soutien aux travailleurs qui étaient touchés. Par la suite, il veut travailler avec toutes ces personnes, toutes ces familles et les organismes de services sociaux locaux pour trouver des nouveaux arrangements qui vont offrir du soutien aux participants. Et ça inclut la possibilité d'embaucher directement ces personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Walmart embauchait le programme. Oui. Le programme, par la suite, embauchait des gens qui les envoyaient chez Walmart. On a décidé de mettre fin au programme et de, par la suite, voir les répercussions, se dire qu'on pouvait embaucher ces personnes-là de façon directe. C'est facile à dire. Exactement. Si personne n'avait rien dit, il aurait fait le combat. Totalement d'accord avec toi. On l'a dit tout à l'heure, le gouvernement était quand même assez déçu de cette situation-là. Et le docteur Barrette a lui-même sorti sur Twitter. Et là, je tiens à dire que souvent, je suis pas d'accord avec le ministre Barrette. Faut qu'il soit d'accord avec lui, il a fait quelque chose de bien. Il a fait quelque chose de bien, il a pris son compte Twitter et il a écrit « Je n'ai qu'un seul message pour la direction de Walmart, je ne vous crois pas. Oh. » Okay. Et je dois le dire, après répercussions comme ça, en voyant ce que ça le fait... Tu répares des pots cassés. Ben, tu répares des pots cassés en disant que tu vas aller les embaucher directement. Quelle est la différence? C'est ça. Il faut dire qu'habituellement, les pots cassés, c'était ces autistes-là qui les ramassent. Ah, oh, Mathieu. Mais le gouvernement Couillard va travailler justement pour voir à ce que ça se reproduise plus. Mm-hmm. On s'entend, c'est un programme qui a été mis de l'avant. Pourquoi est-ce que tu mettrais fin à un programme qui marche, qui fonctionne, mm-hmm. qui te donne des employés pour une belle image aussi. Une belle image pour tout simplement par la suite aller réembaucher ces gens-là par toi-même. elle est où la différence? Le montant va être le même. Tu répares carrément ben, juste des pots cassés, selon moi. Ça ressemble à t'inventer quelque chose pour que ça paraisse bien. Exactement. Et si vous voulez entendre l'intégralité du courriel de Walmart, le voici. Ah bon? Au Québec, nous soutenons la formation professionnelle pour les personnes ayant des déficiences depuis de nombreuses années et nous nous engageons fermement à continuer à le faire dans le futur. La semaine dernière, nous avons avisé des agences locales du Québec que nous ne pourrions malheureusement plus participer au programme de formation professionnelle volontaire dans sa forme actuelle. Notre objectif était de trouver d'autres moyens d'aider les personnes dans ces programmes, y compris l'emploi direct. De toute évidence, la façon dont nous avons géré ce changement a créé de la confusion et de la déception et nous nous en excusons très sincèrement. Nous avons entendu les préoccupations soulevées ces derniers jours par les participants du programme, leurs familles et la communauté. Pour la suite, nous travaillerons avec toute personne, leur famille et les organismes des services sociaux locaux pour trouver de nouveaux arrangements qui offriront du soutien aux participants et cela inclut la possibilité d'embaucher directement ces personnes. Walmart est fier de faire partie de la communauté du Québec et de soutenir des organismes tels Coopération Enfant-Soleil, okay. Moisson Montréal, le Club des petits déjeuners et la Croix-Rouge. Hey. De même que des centaines d'organismes locaux qui reçoivent chaque année des millions de dollars pour leur effort important dans la communauté. Oh. Ah, ouais, OK. Y est où le nom de ce fameux programme-là? Ben, le truc de volontaire, c'était pas ça? Le professionnel volontaire truc? Ça dit absolument rien. C'est le programme de formation professionnelle volontaire. Mais si tu tapes ça sur Facebook, ça amène à aucune page. Pas sur Facebook, mais sur Google, ça amène à aucune page. OK. Il n'y a rien qui te dit c'est quoi, il n'y a rien qui te dit qui est en charge. Et volontaire veut pas dire pas payer. On dirait que je ne suis pas sûr de la définition de tout ça, mais bon, on cherchera. Tu vois, c'est quand même assez difficile de voir l'authenticité derrière ce message-là à la suite que tout le monde est sorti, leur côté fâché, bien évidemment. Et je dois dire qu'il y a plusieurs personnes qui se sont dit ben, « on va tout simplement boycotter Walmart ». Oui, parce qu'ils disent parce que... Parce que c'est la pire décision que vous avez prise depuis longtemps. Ils sont en train de dire que, dans le fond, à place d'avoir ce programme-là, ils engageraient directement les gens dans un poste qu'on considérait comme normal ou habituel ou offert à tout le monde. Peut-être que ces personnes-là ont pas mal moins de chances de pouvoir avoir un poste exactement normal, entre guillemets, s'il n'y a pas ce programme-là qui est fait juste pour eux. Tout à fait. Je me suis posé la question de participation volontaire, programme, comme tu l'as dit. J'ai cherché. Le seul truc que j'ai trouvé sur le nom de ce programme-là, en fait, ça se passe en France. Ah. Donc, c'est assez difficile, je vais vous avouer, de pouvoir retrouver qui est en charge de cette chose. C'est le truc à l'interne, je sais pas. Probablement, mais truc à l'interne avec des organismes locaux. De la région, oui. De la région, tout dépendant de la région. Là, on parle pas nécessairement juste de la région de la Mauricie. On parle de tous les Walmart du Québec qui mettent fin à ce programme-là. Mm. C'est 19 personnes ici, en Mauricie, qui perdent leur emploi, mais il y en a d'autres partout au Québec. Donc, comment est-ce qu'on est capable de retrouver ce fameux programme-là? Comment est-ce qu'on est capable de retrouver les gens qui sont touchés par ce programme-là? Ça semble quand même assez difficile. Donc, Walmart a présenté ses excuses. Oui, bon, bravo, merci. Le ministre Barrette a dit ben, « je vous crois pas, je pense qu'on est plusieurs à pas les croire ». Mais Walmart pourrait reprendre ses employés, c'est ce que la lettre dit en fait. Donc deux jours après l'annonce dans les médias de l'arrêt du programme, Walmart Canada a évoqué la possibilité de réembaucher directement ces travailleurs-là. La décision du géant du commerce a soulevé quand même colère et indignation un peu partout, entre autres au gouvernement, chez les personnes qui sont porte-parole aussi d'organismes, on s'entend. On vient de commencer le mois d'avril, première chose que tu fais, c'est que tu coupes tous les programmes d'intégration. Ça fait parler du mois de l'autisme au moins, hein? Ben oui, tout à fait. Je sens qu'il va y avoir des gens qui vont être peut-être plus près de la cause pendant ce mois-ci. Je vous rappelle que si jamais vous voulez faire quoi que ce soit, la couleur du mois de l'autisme, c'est le bleu. Donc, vous pouvez tout simplement changer votre ampoule de maison devant votre maison pour une ampoule bleue et ça représente en fait la sensibilisation au mois de l'autisme. Faites-le, c'est un petit geste qui coûte honnêtement quoi, 4$ pour le globe bleu. C'est ça. Donc de ce côté-là, vous allez montrer votre soutien et on soutient aussi que la formation professionnelle pour les personnes ayant des déficiences, ça fonctionne depuis de nombreuses années. On s'engage fermement à continuer à le faire dans plusieurs organismes de la Mauricie. pourquoi. Moi, j'aimerais juste savoir pourquoi est-ce qu'on voulait faire un changement au niveau des dirigeants de Walmart. Qu'est-ce que fait en sorte là, qu'on s'est dit, on va arrêter le programme, mais on va les engager directement. Si c'était vraiment ça, mettons qu'on leur donne le bénéfice du doute. Là, okay? On est sympathique avec exactement. Eux. On est gentil avec Walmart pendant 30 secondes. On soulève la possibilité d'embaucher de façon directe ces personnes-là qui bénéficient quand même du programme d'intégration au travail. Pourquoi est-ce que vous vouliez changer cette structure-là? Qu'est-ce qui ne fonctionnait plus qui fait en sorte que là, tu t'es dit, je vais les mettre dehors. Mm-hmm. Puis après ça, après les avoir fait souffrir, je vais les réengager. Et qu'est-ce que tu fais penser que ça allait pas faire une controverse? Exactement. Et je vais pas leur dire surtout que je peux les réembaucher avant qu'ils sortent de mon magasin et que les médias les attrapent. Il y a tellement eu d'autres façons de faire ça. Je vais les congédier. Je vais leur dire qu'ils ont terminé de travailler, mais seulement deux jours plus tard, je vais leur dire que je peux les réembaucher. Hey, Mania, es-tu Boswell? Pas facile, les ressources humaines, hein? Walmart, voyez vos communications, s'il vous plaît. On s'entend que l'objectif, c'est de trouver des moyens pour aider les personnes dans ces programmes-là. On veut pas les mettre de côté, on veut les intégrer. C'est tout à fait normal qu'une personne qui soit atteinte du trouble du spectre de l'autisme, qui ait une légère déficience intellectuelle ou encore un handicap physique, soit capable de se trouver un emploi. Hey, Boswell, t'es en 2018. Hey. Si on n'est pas capable de faire ça, il y a un petit problème quelque part. Il y a un petit problème. Les dirigeants, on s'entend, là. Il y a des tâches qui sont extrêmement possibles de faire. Que les autres, des fois, veulent pas faire et eux vont être très heureux de les faire. Hein? Exactement! Ouais. On s'entend. Il y a-tu quelque chose, quand même, qui pour certaines personnes, sont moins le fun à faire, mais que pour ces gens-là, juste le simple fait de travailler et de pouvoir justement contribuer au travail dans une entreprise comme celle-là, ça met de l'avant quand même l'unification d'une équipe. Ouais. On s'entend. Puis tu sais, on en voit travailler des gens dans des programmes comme ça, ici même à la Chasse-Galerie, ils sont super sympathiques, ils sont contents d'être là, les gens les traitent super bien. Il n'y a pas de raison de ne pas faire ça. Hein? Ben oui, exactement. Bon. Walmart a utilisé la sémantique pour se défendre d'avoir congédié les employés qui souffraient justement d'un handicap intellectuel ou encore du trouble du spectre de l'autisme, même si le géant du commerce de détail leur a bel et bien montré la porte. Donc, encore une fois, c'est beau votre lettre d'excuse, mais j'aimerais qu'on m'explique la raison du pourquoi, là, tu veux les réembaucher. Parce qu'ils l'ont pas fait du tout, là. Il y a aucune explication. Ouais. Tu dis que tu veux gérer le programme d'une façon différente. Tu dis que tu veux enlever le programme, mais que tu veux, par la suite, réembaucher ces gens-là. Oui, mais pourquoi? Explique-moi-le. Peut-être, est-ce que je vais, par la suite, considérer d'excuser ce que tu as fait, ce que vous avez fait en tant que grande compagnie canadienne. S'ils sortent un autre communiqué, tu t'engages à le lire? Je m'engage à le lire et à le juger. D'accord. On va faire ça ensemble. On s'entend. Ouais. Donc, je suis quand même contente, en fait, que le gouvernement du Québec se soit montré du côté des gens qui faisaient partie de ce programme-là. Je pense que c'est quelque chose qui est important. On s'est pas mis du côté, justement, de la grande entreprise qui amène quand même certains revenus, qui fait beaucoup de revenus aussi au Québec. Non, on s'est vraiment mis du côté des gens qui étaient atteints de cette nouvelle-là. Et je vous le rappelle, c'est le mois de la sensibilisation à l'autisme. Donc, j'ai décidé de terminer ce petit segment de Tania is gonna entertain ya par une chanson. Oui. C'est une chanson qui a été faite par un... Là, je veux pas me tromper dans ce que je vais dire, mais par un membre d'Autisme Mauricie. Donc, je vous explique. C'est M. Claude Boisvert, qui est un génie de la musique. C'est membre d'Autisme Mauricie. Il a décidé d'écrire une chanson pour son fils et pour tout le monde qui est atteint du spectre de l'autisme. Donc, il a créé la chanson qui s'appelle Wake Up. Et on va vous la faire écouter. Et si jamais ça vous intéresse, on la mettra sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Vous pourrez la partager par la suite. Très bonne idée. Wake Up, tout de suite. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Wake up, wake up. Wake up to the dawn of a brand new day. Wake up to the light, son. Wake up, my son. Wake up to the sound of an endless wave. Wake up to the bright sun. If only we could feel our hearts. Feather brushes in our hearts. You know, wake up, you're fine. You may be out of time, but forever mine. Belong to each other. If only we could feel our hearts. The brushes in our hearts, you know, break down the walls. There's no need to feel the pain in your soul. Just open your doors now. Matinale Assemblage Reiki accompagné de Mathieu Plante et de Tania Baudin. Oh oui. On a-tu envie d'être là? Ah, hein? C'est la grande question. Grande question avec la température d'aujourd'hui. On vous aime, chers auditeurs. Oui, on vous adore, vous, on vous oui, adore. Exactement, sachez-le. Parce que sinon, là, je vous jure qu'en voyant la température ce matin, je pense que Mathieu et moi, on serait restés couchés. Vraiment, là, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Je demande à Tania, est-ce que tu veux revenir de la pause? Elle dit, ça ne me dérange pas. Je dis, t'es tout ça, mais ça te tente-tu? Ah, ça ne me dérange pas. Ouais, ça ne nous dérange pas. C'est ça. Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Un peu, quand même, un petit peu. Ben, c'est en voyant la température puis de se dire qu'à un certain moment, il va falloir retourner. Ouais. Et qu'on a déjà vécu ça pendant le mois de décembre, janvier, février. Est-ce qu'on a besoin d'un mois d'avril qui a l'air de ça? Tu sais, sérieusement, hein? T'sais? Avril. Ouais. Avril, mère nature. Avril. T'sais? C'est ça, j'avais à dire. Mars, c'était la slush. Oui, c'est vrai. C'est moins pire que la neige. Exactement. Bref, c'est étant dit, on n'est pas là pour parler de la météo trop, hein? Mm-hmm. C'est ça aux autres. On va s'acheter les choses sur Internet à la place. Mm-hmm. Ça, c'est le fun pour nous mettre de bonne humeur ce matin. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Ça ne devrait pas. On l'a, la chronique où on s'achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément. Et on commence avec une petite liste qui nous vient du site thisiswhyimbroke.com, que j'aime bien pour les gadgets inutiles. C'est une liste de cadeaux pour les gens qui aimeraient passer du temps à regarder la TV plus qu'à sortir pour aller travailler, mettons. Mm-hmm. Tu sais, aujourd'hui, ça aurait été la journée parfaite pour se faire un petit marathon de Netflix. Ah, mon Dieu, tellement! Donc, commençons par la Magic Wand TV Remote. C'est simple, c'est une baguette magique qui sert aussi de manette pour la télé. Pour les fans de Harry Potter, 13 différents gestes à faire pour allumer et éteindre la télé, changer de volume, changer de chaîne. C'est quand même cool. Mm-hmm. Ça coûte un petit $65 US. On a aussi les lunettes pour les paresseux, donc pour ceux qui veulent lire sur le divan ou sur le lit. C'est des lunettes, dans le fond, avec un miroir à l'intérieur des lunettes. Donc, tu portes tes lunettes et tu mets ton livre sur ton ventre, t'es couché sur le dos. Okay. Et tu vas voir ce qu'il y a devant toi et non pas ce qu'il y a au-dessus de toi. Ah, c'est fantastique. C'est bien. $11 US. On a déjà parlé de celui-là, le bol pour que tes céréales soient jamais détrempées dans ton lait. C'est un bol divisé en deux, un peu comme un yin-yang. Donc, tu pourrais avoir tes céréales d'un bord, le lait de l'autre, ou encore des biscuits d'un bord, le lait de l'autre. Et comme ça, ben, tu peux facilement passer ta cuillère dans le petit corridor. Dans le fond, c'est divisé entre... Il y a comme un mur dans le milieu du bol. Là, et un petit corridor qui te permet de venir transporter tes céréales dans ton lait pour pouvoir les manger. Sans faire de dégâts. C'est simple, hein? $19 US. Alors, ensuite, le Snuggie Batman. Ouais. Évidemment, Snuggie à la couverture avec des trous pour tes bras. Hein? Pour $14. Projecteur de poche HDMI qui, lui, coûte $330. Mais pour pouvoir regarder la télé sur un grand mur, ça pourrait être bien. Ils ont aussi parlé de la couverture Chunky Knit Blanket. J'ai toujours bien aimé le look de ça. C'est comme un tricot, sauf avec des grosses mailles de laine. Donc, t'as vraiment comme une grosse couverture avec des grosses laines dessus. C'est super beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'intéresse là-dedans? Il y en a qui sont moins intéressants là-dedans. Je vais y aller avec... Oui, ça, je l'aime beaucoup, celui-là. C'est le Couch Drink and Remote Holder. C'est un morceau de plastique que tu peux insérer entre les deux coussins de ton divan avec une espèce de barreau de plastique qui s'insère. Et c'est un morceau de plastique avec des trous dont tu peux mettre ta liqueur, ton verre, ton téléphone, ta coupe de vin. C'est vraiment très, très bien fait. Et puis... même chose, tiens, pour celui-là, le Sofa Arm Rest Table. Je pense que je préfère encore celui-là. C'est comme une espèce de table de coin de divan, sauf que la table va venir en dessous des pattes de ton divan et ça va te créer une tablette sur ton divan. Ah, OK. Donc, t'imagines, la table est comme faite en genre de C, si on veut, mais droit. Et ça entre en dessous de tes pattes et en haut. C'est fait en bois. C'est super joli. Et seulement $150 pour une table de côté de salon, de divan. C'est pas si pire, quand même. L'ouvre-bouteille, télécommande. Bottle opener, remote control, $25 US pour ouvrir sa bière en même temps que tu changes de poste ou tu montes le volume. C'est parfait, ça. Mm-hmm. Sinon, toujours sur le divan, peut-être le petit gadget pour ouvrir tes rideaux automatiquement. Motorized curtain rods pour $92 US. Ça y est, avec une petite télécommande et tes rideaux vont pouvoir être ouverts à distance pour quand tu regardes la TV, tu veux fermer ton rideau pour pas avoir le soleil d'en face. Hein? Oui. Je pense que ça fait le tour pour ça. On va passer à un autre... quand tu passes devant un garage des fois, ou même en ce moment, il y a une boutique de crème glacée qui a ça en ce moment, juste à côté d'ici. C'est le gros bonhomme, là, tu sais, qui se fait aller les bras, là. Ah, oh, mon Dieu. Tu sais, c'est comme un gonflé à l'air chaud, je sais pas trop comment que c'est fait, ça, là. Mm-hmm. Ben, si tu veux en avoir un pour le bureau. Non. tu peux l'acheter pour $65. Ah, oh, wow. Le gros bonhomme gonflé. Ah, mais c'est laid. Pourquoi tu voudrais ça? C'est comme si t'as trouvé une nouvelle job. C'est comme les employés autistes chez Walmart. Oui. Les petits bonhommes de garage comme ça, là. Ils cherchent une nouvelle job? Ils cherchent une nouvelle job. Ben, ils peuvent être sur ton bureau dorénavant. Sur une petite base. OK, ils sont mini, mettons. Ils sont minuscules. OK. Là, je pensais que tu parlais du gros, genre. Tu mettrais ça sur ton bureau, t'as un gros, là. Non, pas peur, tout. Même le petit, je le mettrais. Mais il y a une petite base avec un petit bouton pour l'activer. Ah, ouais. Ouais. Ça pourrait être drôle. Non. Tu fais le gag une fois, puis t'es tanné. Hein. Ouais, c'est ça. Ensuite, les pots maçons, c'est beau, hein? Oui. On aime ça, les pots maçons. Tu peux mettre pas mal n'importe quoi là-dedans. Mm-hmm. Hein? Sauf Eric Masson. C'est le Fridge Beverage Dispenser. C'est un gros pot maçon énorme qui va dans le réfrigérateur et tu peux mettre n'importe quel breuvage dedans. Donc, c'est vraiment avec un gros couvercle dessus. Tu remplis d'eau, de limonade, de thé glacé, peu importe. Tu fermes le couvercle et tu le mets sur le côté parce que le dessous est rectangulaire. C'est comme un pot maçon rectangulaire, si on veut. Ouais. Et t'as un embout pour pouvoir mettre ton verre comme un fût, si on veut. Okay. Pour pouvoir ouvrir la champlure pour te verser de l'eau qu'il y a dans le pot maçon. Un gros pot maçon pour le frigidaire, c'est cool. Moi, j'aime bien ça. Je trouve ça vraiment bon. Ensuite, parlant de boissons, tiens. Lorsque tu veux inaugurer quelque chose, comme l'ouverture d'une boutique de crème glacée, peut-être, tu pourrais t'acheter de fausses bouteilles de champagne pour frapper contre un bateau. Parce que, tu sais, quand tu frappes une bouteille contre un bateau, des fois, ça n'a pas l'effet escompté. Non, en effet. Ça s'ouvre pas toujours de la façon parfaite. Donc ici c'est une fake bottle of champagne avec je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est pas du champagne. Et ça va facilement se briser quand vous allez frapper ça contre votre bateau ou peu importe ce que vous voulez inaugurer. Et on rappelle, pas du vrai champagne, donc buvez-le pas. Hein? De toute façon, ça va se verser partout. Ouais. Fait que qui va aller licher le trottoir, je sais pas pourquoi. Ah, c'est pas. Hein? Bref, donc fake bottle of champagne sur assemblagerequis.com. Si tu veux faire ton propre granola, t'aimes le granola? Oui. J'adore le granola, c'est le fun. Mais quand tu veux te faire tes propres beurres, à un moment donné, ils seront pas tous de la même grosseur, ils seront pas tous de la même forme, c'est plate un peu. C'est vrai. T'as trouvé ta meilleure recette de granola ever sur 3 fois par jour ou peu importe. Et là, tu te demandes, mais comment est-ce que je vais faire pour faire des belles barres? Hein? Ouais. Bon. Ben, Colin, tu peux t'acheter des moules de silicone. Tescoma Granola Bar Press. C'est fait de BPA, de plastique. Ça, c'est fait de BPA. Seulement du BPA. Seulement. Le meilleur BPA. Non, c'est du plastique sans aucun BPA. C'est du silicone grade alimentaire, voilà. Pour ne pas s'ajouter de produits chimiques à vos nouvelles barres santé. C'est donc une presse qui comprend 3 moules de silicone, 3 trucs de plastique empilables qui vont avoir la forme de vos barres granola, les capuchons, 25 sacs de plastique scellables et réutilisables et un livre d'instructions avec des recettes de granola. Vous allez pouvoir faire vos propres barres de 4 pouces par 1,25 par 0,5 et tout sauf les capuchons, c'est ça? Ouais. Vont au lave-vaisselle. C'est disponible pour 28 $US chez The Grommet et tu peux avoir des moules de silicone additionnels si tu veux. C'est quand même bien, c'est cute aussi pour faire des petites barres de granola. Ensuite, tiens, on a parlé tantôt de gadgets pour le divan, pour le salon, et on a parlé de table pour votre divan, mais si vous avez seulement besoin de quelque chose pour tenir votre verre ou votre canette de quelque chose, c'est un morceau de silicone avec une pesée à l'intérieur. Donc, ça va venir envelopper le côté, comment t'appelles ça, la place où tu t'accotes. Bref, c'est en silicone, donc ça va venir sur les côtés, et c'est pesé, donc ça va pas tomber par terre, et il y a un trou à l'intérieur pour mettre ta canette. Super simple, très minimaliste, pour 35 $ canadiens. Moi, j'aime bien, quand même. Pas de fla-fla après ça, hein? Quand tu veux cacher ton argent d'un voleur potentiel, tu fais quoi? Tu mets ton argent où? Dans les murs, non, c'est pas vrai. Je sais pas. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent à cacher des voleurs. Hey, combien de fois on dit ça? Mais c'est vrai. Dans le congélateur, sous le matelas, je sais pas trop, dans un sac à l'épreuve de l'eau, dans la tank de toilette. Je pense que si un voleur viendrait chez moi, il y aurait pas mal plus de chances qu'il reparte avec ma télévision, mon divan, mon ordinateur, que de partir avec du papier, de l'argent cash. Si un voleur venait chez toi, il te laisserait de l'argent, ça. Probablement. Tu fais pitié, man. Genre fondation, Tania a besoin d'argent. Non, tu pourrais cacher en fait ton argent dans une brosse à cheveux. Ah, OK. On va se le dire, les voleurs vérifieront jamais ta brosse à cheveux. Mais là, maintenant que tu le dis, ils vont vérifier. Ben, il y a ça, là. Ça s'appelle Diversion Safe Hairbrush. Ça vient de la compagnie Stash It. Et il y a donc, c'est comme une brosse à cheveux, littéralement. Tu peux te brosser les cheveux avec. Sauf que le capuchon au bout de la brosse s'enlève pour révéler un endroit où mettre des billets d'argent, 30 billets roulés. 1,25 pouces de diamètre par 4,5 pouces de profondeur. C'est pas très profond. Et non. Ça vient avec un sac qui empêche l'odeur de passer. Donc, l'odeur de l'argent ne va pas attirer les voleurs dans ta brosse à cheveux. Hein? Et en plus, ben, comme j'ai dit, tu peux t'en servir comme brosse à cheveux. Ça va avoir l'air totalement normal pour 13,45 $ sur Amazon. Ensuite, est-ce que tu as déjà eu des souris chez toi? Non. Chez tes parents, non, rien. Non. Dans une vieille maison, ça arrive. Et là, tu te dis, Colin, une trappe à souris, ça attrape une seule souris à la fois. C'est pas assez. OK. Donc, il te faut le Catch-All Multiple Catch Mouse Trap. Oui. C'est un gros contenant de métal qui ressemble à une boîte à lunch, je dirais. quand t'as plusieurs souris à la maison que tu veux t'en débarrasser d'une fois pour toutes. Donc ça coûte 18 US. Tu le mets à 2 pouces du mur et les souris vont grimper à l'intérieur. Il va y avoir une porte à ressort qui va les amener dans une petite chambre et ils vont attirer leurs amis là-dedans. Une trappe peut attraper jusqu'à 10 souris par nuit. Et ça a pas l'air de déranger les souris du tout, en fait, parce que Colin, ça les tue pas, apparemment. OK. Ouais. C'est cool, hein? Ben oui. Ben oui. Après ça, tu te demandes ce que tu fais avec tes souris. Mais peut-être tu pourrais peut-être aller les porter dans une place pour les serpents. Je sais pas. Ben, hein? Non? Ça mange pas les souris, les serpents? Je peux. Parce que oui. Moi, je sais pas, les serpents, c'est non. C'est juste non. Pas en train de parler. Hein. Ouais, c'est ça. La la la la la. Non, non, non. Ça s'appelle le Trapman ou le Catch-All, dépendant de où vous habitez. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien et je confirme que ça ne tue pas les souris. Ensuite, t'as peut-être vu passer ça sur Facebook. Il y avait une blague du poisson d'avril de la part de. C'était Thing Geek. À chaque année, Thing Geek sort un paquet de faux produits. Et il y en a un là-dedans qui finit par devenir souvent un vrai produit. Comme dans ce cas-ci, la Tentacuddle, c'est une couverture de divan, un peu comme un snuggie ou une slanket ou peu importe, sauf que ça te fait passer pour une pieuvre parce que t'as des tentacules partout et tu peux mettre tes pieds dans n'importe quel trou. Ah! Tu comprends? Donc imagine un snuggie vert et à la place d'avoir seulement 2 trous pour tes jambes, t'en as comme plusieurs, là, le nombre de tentacules qu'une pieuvre a, c'est quoi, 8? Bref, et tu peux passer tes pieds dans n'importe quel. Vraiment fantastique. Et c'est disponible pour vrai. C'est la Tentacuddle Blanket. C'était en fait un des poissons d'avril, entre guillemets, de l'an dernier. Voilà. Vraiment bien. Vous pouvez vous l'acheter directement sur assemblagerequis.com pendant qu'il y en a toujours. Ensuite, continuons avec des shorts qui vous permettent de transporter vos breuvages préférés. Tantôt, on avait des breuvages sur le divan. Mais quand tu te lèves et que tu portes des shorts, où est-ce que tu mets ta liqueur? Ben, dans tes shorts. Pas plus compliqué que ça, non? C'est les Angler Shorts de chez Coast Apparel. C'est 100% nylon. Ça se sèche très rapidement et c'est pas si laid lorsque c'est mouillé, nous dit-on. Et ce que d'impressionnant là-dedans, c'est qu'il y a une poche exactement faite pour prendre votre breuvage. Donc, c'est des poches en néoprène qui vous permettent de libérer vos mains et de garder votre breuvage très près de vos cuisses. Hein? 59,50 US par paire, disponible en 5 couleurs, de small à XX large, sur le site de Coast Apparel. OK. Ensuite, à Sydney, on s'en va en Australie, où il y a une machine distributrice qui vous donne des choses qui sont bonnes pour votre santé mentale. Mm-hmm. As-tu vu passer ça? Non. C'est Mashable qui nous parle de ça. C'est un nouveau service à Sydney, en Australie, qui offre aux gens des choses qui sont inspirées par les concepts de la raison d'être, de l'amitié, de la spontanéité. Donc, c'est fait pour faire parler de la santé mentale de façon inattendue. Ça s'appelle Intangible Goods. C'est une installation temporaire pour la ville de Sydney, pour le programme Art and About Sydney. C'est donc une machine distributrice qui est une collaboration avec les artistes Elizabeth Commandeur et Mark Starmick, ainsi que des professionnels de la santé. Donc là, on parle, mais qu'est-ce que c'est? Hein? C'est une machine donc pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale ou qui se sentent isolés, en fait. On pourrait cliquer sur le bouton « Vous servir à quelque chose ». Ah ouais. Si t'es stressé, tu pourrais cliquer sur le bouton « Relaxer ». Et chaque emballage coloré contient un produit qui est fait pour traiter ce besoin émotionnel-là, comme une étoile en origami, un crayon, une carte de map, des notes, des trucs comme ça, qui sont faits pour que tu te sentes bien à l'intérieur de ta tête. OK. Pas pire, hein? Bon, même si on peut pas mettre de prix sur ça, eux chargent 2$ par article, et l'argent va à des organisations pour la santé mentale. Mm-hmm. Bien, hein? Très bien. Ensuite, voici Jewel, une baignoire en bois pétrifiée. Ça coûte 2 millions de dollars. D'accord. Ouais, donc ça s'appelle The Jewel, en bois pétrifié, oui. Ça a été sculpté dans un énorme morceau de bois pétrifié de 14 tonnes, vieux de 18 millions d'années. Sa surface est naturellement incrustée de pierres précieuses. On dit entre autres du jaspe, de la calcédoine et aussi de l'opale, mais c'est moins fréquent, qui se sont formés durant sa très longue vie, donc 18 millions d'années, et on prête même à ce matériau des propriétés thérapeutiques et curatives. Donc, il faut seulement se récolter un petit 2 millions de dollars pour pouvoir se procurer cette baignoire de bois pétrifié. Peut-être as-tu vu passer ça, celui-là est un petit peu plus mainstream. C'est un Monopoly Gamer Edition, mais pour Mario Kart. Ah, non, je ne connais pas. Non, Monopoly Gamer, qui a plusieurs versions pour les gamers, évidemment. Mais cette fois-ci, Hasbro a révélé le Monopoly Gamer Mario Kart Edition. Donc oui, Mario Kart, le jeu sera pas disponible avant le mois de juin, mais vous allez quand même pouvoir traverser la planche en Mario, Princess Peach, Luigi ou Toad en voiture, bien sûr. Et on peut précommander ça chez GameStop, entre autres, aux États-Unis. Ça va être lancé... Non, en fait, c'est lancé... ça sera pas disponible en magasin avant le mois de juin, mais c'est lancé présentement en magasin chez GameStop et en ligne. OK. Voilà, GameStop, qui est l'équivalent de EB Games au Canada. Bref, dans le jeu, les gens vont pouvoir acheter des propriétés iconiques de Mario Kart, comme Rainbow Road et Bowser's Castle. Vous allez pouvoir éviter des plures de bananes, des carapaces de tortues et autres. Comme je disais, on va pouvoir jouer en Mario, Peach, Luigi et Toad. C'est pas beaucoup de personnages quand même. Et pour ajouter un petit peu plus de compétition thématique Mario Kart, Atterrir sur le Go va démarrer une course où les gens vont compétitionner pour la carte Grand Prix. Oh! Hmm. Chaque pion de jeu a des pouvoirs spéciaux et des habiletés pour utiliser pendant le jeu. Par exemple, quand le joueur qui a le pion Toad roule un power-up boost, tous les joueurs vont devoir lui donner une pièce de monnaie. C'est la thématique de Mario Kart. Et on peut s'acheter aussi des Power Packs, des pions qui vont s'en venir plus tard cet automne, qui vont permettre de rajouter des personnages comme Bowser, Rosalina, Shy Guy, Metal Mario, Donkey Kong et Yoshi. C'est bien, j'aime ça. Je le veux! Continuons avec une petite maison. Tu as déjà parlé de petite maison. Tu nous as signifié ton intérêt pour les mini-maisons dans une de tes chroniques à un moment donné. Tu peux acheter une mini-maison sur Amazon maintenant. Mm-hmm. Uh-huh, une vraie petite maison. C'est la Mods International Prefab Tiny House, donc une maison préfabriquée qu'on peut acheter et faire livrer chez soi via Amazon pour le très petit prix de 36 000 $ US. C'est une maison de 360 pieds carrés qui est fabriquée à partir d'un container. Okay. Shipping container là, qu'on voit pour transporter des trucs d'un pays à l'autre. Ça vient déjà meublé pour ce prix-là, isolé, avec chauffage et air climatisé. Ça vient aussi avec d'autres essentiels comme une salle de bain, une petite cuisinette avec électroménager, douche, salon, toilette et un lavabo. Mm-hmm. Tout ça pour 36 000 $ US sur votre compte Amazon. Wow! J'aime bien. Ah, pas pire, pas pire. Ensuite... on parle de jeux de société. Non, est-ce qu'on... non, ça c'est une liste, ça ne tente pas d'affaire. Non, on va sauter. Non. J'établis mes limites des fois. Ici, on parle d'un petit carnet de notes très simple, sauf qu'à la place d'avoir des pages blanches sur lesquelles écrire en noir, c'est des pages noires sur lesquelles écrire en blanc ou en métallique ou en doré. Tu sais, des charpies métalliques, t'as sûrement vu ça à un moment donné. Ça coûte 20$ le petit carnet. C'est un petit carnet noir, il s'appelle Pitch Black. C'est par Field Notes, donc c'est vraiment les mêmes carnets qu'on reconnaît partout, que pas mal tous ceux qui prennent des notes ont eu une fois dans leur vie. Ça a été imprimé en Illinois avec une couverture fabriquée au Michigan. Wow, OK, cool. Et puis à l'intérieur étant... c'est pas mal ça. Inspiré des livres de mémo, de notes pour faire un compte-rendu de vos voyages et autres choses quotidiennes. Donc c'est un emballage de 6 carnets de 48 pages lignées. Voilà. Ensuite, tiens, si tu veux pouvoir passer quelques appels de téléphone cellulaire sur la route, mais tu sais que c'est illégal, tu pourrais te procurer le Hands-Free Cell Phone Holder, qui est un faux bras avec une fausse main, qui va venir sur ton téléphone. Ouais. Donc, tu vas pouvoir être en train de conduire. Hein, et pas avoir l'air de faire ça. Et pas avoir l'air d'avoir ça, parce que tu vas avoir comme un troisième bras, tu comprends, qui tient ton téléphone à ton oreille, et tu vas pouvoir être sur le volant. Là, tu vas pouvoir dire, ouais, mais j'ai les deux mains sur le volant. Ouais, c'est ça. Tu vas pouvoir faire ça. Hmm. Ouais. Un accessoire pour les gens qui veulent parler au téléphone sans avoir l'air de parler au téléphone. Ensuite, ici, un produit qui garantit la photo parfaite par l'intelligence artificielle. Okay. C'est l'Arsenal Intelligent Camera Assistant. Hein? Donc, c'est un gadget qui pourrait être la solution pour bien les gens qui ont de la difficulté à prendre des photos correctement. Ça utilise de l'intelligence artificielle et c'est le premier gadget de ce genre. Ça utilise des algorithmes, en fait, pour suggérer les meilleurs paramètres pour la photo que tu essaies de prendre, pour prendre la photo parfaite. Ça va considérer les caractéristiques dans l'environnement et ça va choisir les paramètres pour toi dans ton téléphone. Ça considère le type de lentille que tu utilises et les capacités de ta lentille pour un appareil photo. Ça te permet de contrôler ta caméra à distance, d'ajuster les paramètres manuellement aussi si tu le veux vraiment. Et puis ça va sauvegarder tout ça sur ta carte mémoire en fichier RAW. Donc c'est apparemment un très bon produit selon les critiques. On peut précommander ça sur le site de Arsenal. C'est witharsenal.com pour $175 US. Continuons avec les fans de Disney qui sont obsédés par leur seau à popcorn. Ouais. Chez Disney, ils utilisent ça même comme sacoche de nos jours. OK. Donc c'est des ballons, pas des ballons, mais des contenants à popcorn pour la célébration du 60e anniversaire de Disneyland. Ça durait 24 heures en 2015. Donc, c'est en forme de ballon, mais c'est vraiment un contenant à popcorn. C'était vendu seulement aux gens qui étaient là pour cette célébration-là. Maintenant, c'est de retour pour le public en général. Et les gens adorent ça, apparemment. Ils courent pour aller acheter ce contenant de popcorn-là au Magic Kingdom de Walt Disney World. Il y a une option régulière qui est juste un seau en forme de ballon Mickey Mouse avec une poignée. Mais il y a aussi une version jaune avec une bandoulière. Bandoulière? Okay. Bandoulière? Bandoulière. Bandoulière, ouais. Et les gens s'en servent comme sacoche. Ah, c'est de bien. Plastique. 15$ chacune. Quand même. Mm-hmm. Je sais pas. Moi, j'aimerais mieux pouvoir manger le popcorn avant de l'avoir comme sacoche. Mais... et pour terminer, on a des semelles chauffantes rechargeables. On a déjà entendu parler de semelles qui vous permettent de rester au chaud dans vos souliers. Mais là, on en a qui sont rechargeables. Hein? Gardez votre corps au chaud pour l'hiver et les derniers jours en ce moment. Une fois chargé, ça peut être contrôlé à distance avec 3 températures différentes pour le confort maximal de vos pieds dans vos souliers. Tout ça pour 130$ canadiens. Ah, c'est une si bonne idée. Ben oui, ça vient qu'une télécommande, hein, tu peux avoir le chaud, médium ou pas de chaleur pantoute. Ah, OK. Il n'y a pas de faible. C'est rien, médium ou élevé. Ça ressemble à mon super sac chauffant que j'ai acheté électrique. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est le fun. Ma masseur m'a conseillé ça, puis ça fonctionne tellement bien. Un petit coussin que tu mets ses épaules, puis tu mets ça à high, puis la vie est belle, ça. La vie est belle. Bref, voilà, on a fait 20 gadgets. C'est sur assemblagerequis.com que vous allez trouver les liens. En fait, on a fait 19 parce que j'en ai sauté un, mais quand même. Note de l'émission numéro 12, 29. On prend une petite pause avant d'accueillir notre ami Gabriel Béhoud qui est avec nous en studio déjà. Salut, Gabriel. Ben oui, bonjour. Ça bon va matin. Bien? Ben oui, ça va. Ouais, t'aurais aimé ça avoir des semelles chauffantes dans tes souliers ce matin. Oui, hein? Définitivement. As-tu changé tes pneus pour des pneus d'été? Non. Non, bon, il est sage. Ben oui. Il sait qu'au mois d'avril, il y a tout le temps une tempête de neige. On ne se découvre pas d'un pneu. C'est ça. Voilà. Bref, moi aussi, cet hiver, je me suis fait un pneu. J'avais déjà. On écoute US Girls. Voici Mad as Hell et on revient avec Gabriel tout de suite. You took me for On est bon. On est très bon. Hey, wow, c'est incroyable. Assemblage requis. Aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est bientôt fini. Assemblage requis. Toujours à l'assemblage requis, troisième heure. Hey, bonjour. Bonjour. L'assemblage requis, Tania Baudin est là. Hey, bon salut. Matin. Bon matin. Moi, c'est Mathieu Plante. Bonjour. Oui, excuse, Mathieu Plante. Ouais. Je voyais que t'allais pas le dire. Ouais, excuse-moi, je suis en train de faire deux choses à la fois. Gabriel Béo est avec bonjour. Nous. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui. J'ai t'es fait couper les cheveux, Gab? Ouais. Ouais, hein? J'ai remarqué. Dis à Tania qu'elle s'est fait aussi couper les cheveux. Ah oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. C'est vrai. Ça te fait bien? Merci. Tu vois comment... Bon, maintenant que le malaise est passé. Continuons-le. Hein. C'était la semaine pour ça. On va se le dire. C'est ça, exactement. On va se le dire. On pensait tous qu'on rentrait dans une ère d'été. Ouais, de les printemps. Les tuyaux arrivaient. Clairement, on s'est tout les fourré. Tulipes sortaient. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est tout trompé. Jupiter a un nouveau pavillon à Sorel. Ah oui. Sorel Tracy, toi. Sorel Tracy, c'est de Place to Be, Paradis Terrestre. Est-ce qu'on savait ça? Est-ce que c'est nouveau comme information? J'en ai aucune. Ben écoute, j'en ai aucune idée. Je te dirais que là, j'ai reperdu l'information, j'ai fermé la page, mais c'est parce que c'est une publicité Facebook qui a passé devant mes yeux. Puis là, j'ai fait « Ah, Gab, Sorel, un pavillon! » Ben oui. Parce qu'il vient de là, là. Exactement. C'est ça. Puis là, il me dit « Ah, ça doit être au cégep. » C'est au cégep. C'est au cégep. C'est trop fort. C'est là. C'est juste à côté du downtown. Il connaît bien sa place. Ouais, c'est juste en face de la mairie de Tracy qui n'est plus. Ah non, ils ont non, pas non. La mairie. Parce ben, que fusion, c'est, ça a fusionné, ouais, c'est Sorel Tracy maintenant. Il n'y a pas de date, je peux pas vous dire. Ouais. Non, bon. C'est à côté du magasin général, hein? Non. Non. C'est à côté de l'ancienne Plaza Tracy qui a été détruite. Ah, oh, Caroline, il ne reste plus rien à Sorel Tracy, voyons. Ben, ouais, hein? Ben... Tu ne vends pas ta ville, ben. Ben, la Plaza Tracy, c'était pas la plus belle place en ville. Là. C'était-tu comme les Galeries du Cap? Genre. Il y avait un bar à l'intérieur. Ah, ouais. Ah. À Sorel Tracy, il y a des bars partout. On a un centre d'achat, il y a deux bars. Tu peux rien que te saouler là-bas, c'est ça ben, qu'il y a à faire. Oui. Hein? Ouais. Ouais, c'est la deuxième ville au Canada avec le plus de bars par habitant. Oh, wow. La première étant... Shawinigan! Shawinigan! Oh, j'avoue, est-ce que vous faites votre propre bière comme le Trou du Diable et tout ça? Oui, on a une. Ouais. Le Loup Rouge Microbrasserie, c'est d'ailleurs un de mes ouais. bons amis qui est maintenant cool. maître brasseur là-bas. Super, ça. Bref, ouais. maintenant que notre tourisme voilà. serait tracé, ouais, fait, hein. embarquons. On va qu'on s'en c'est tourisme Montérégie. Ah, Montérégie, excuse-moi. Ouais. Ouais. Ah, bref, maintenant, c'est dans les coulisses de la Luitre. Wow. On va chanter là-dessus, là-dessus. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais. T'étais Trois-Rivières Metal Fest pas mal là-dessus. Oui, je me prépare. C'est en fin de semaine? Oui. Mm-hmm. Mais c'est pas de ce qu'on parle du tout. On parle pas de ça, on parle d'improvisation. En oui. fait. On est en pause en ce moment pour exactement. Le congé de Pâques. Ouais. C'est exact. C'est ça. Mais il y avait un match la semaine passée. Oui. Oh, c'est les premières demi-finales. Je vous arrête 30 secondes, les boys. Là. On est passé de la neige à la pluie. Bon, hein. Watch out tout à l'heure. Watch out tout à l'heure. En temps réel. C'est... Non, mais ça mouille, là. Ça, oui, ça ploute, comme ils disent. It's mouilling a lot. It's voilà. mouilling a lot. Si ça tombe sous les zéros, devrait être intéressant en fin de journée. Ah, j'ai hâte alors, de voir ça. Pour les personnes à la maison, ne sortez pas. Exactement. Non, non, non. Hey, sinon, inspirez-vous de mon chauffeur d'autobus ce matin qui était beaucoup trop dedans pour la tempête. Ah oui? Il me crie, genre, tu sais, je suis au milieu d'autobus pour sortir. Tu sais, lui, il est en avant, tu sais, chauffeur. C'est... Il dit « Hey! » En tout cas, les gens, ils disaient qu'ils resteraient à la maison, mais moi, je suis tellement content! Puis il fait « Wouhou! » Voilà! Ça, il était tellement excité, là. J'ai jamais vu ça. Tant mieux. C'est pareil comme les enfants quand ils annoncent une tempête. Inspirez-vous de ça, ben ouais. Voilà. Tu sais, c'est un bon mode de vie, ça. Ceci étant dit, ils annoncent une tempête d'improvisation lundi prochain. Arrête-moi ça, tu veux pas revenir sur lundi passé avant. Ben oui, on peut y aller. T'as le match devant toi, là. Demi-finale. Journée idyllique où il faisait beau et frais. Oui, ben, c'est une journée printanière pas mal quand même. Voilà. C'était qui déjà dans la demi-finale numéro 1 de 2? Hey, c'était les Rouges contre les Bleus. Ton équipe contre l'équipe de Magali Brousseau-Arcan. Exactement. Wow, les gars! Ah oui! Mais c'est parce c'était synchro! Ah, si on fait tellement attention pour pas dire Magali Lépine-Blondeau, tu sais. Voilà. Ben là, elle se ressemble énormément. Ah ouais, c'est ça, pareil, pareil. Avec deux, trois pieds de différence. C'est ça, okay. Exact. OK. Je sais pas, je l'ai jamais rencontré, votre Magali Brousseau. Elle est petite. Dans le fond, c'est comme ça avait pris Magali Lépine-Blondeau, puis tu l'avais mis à sécheuse. Ah, OK, c'est bien ça, ça c'est donne, bien. Ouais. Magali Brousseau-Arcan. Ouais, il y a aussi le fait qu'elle est pas morte dans le street, en fait. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas, j'écoute pas ça. Non, j'ai arrêté de l'écouter, mais anyway, c'est pas grave, c'est pas de ça qu'on parle. Non, mais gars, un moment donné. Ben, c'est ça. Rouge contre bleu, match qui a pas eu tant de pénalités, ça m'a surpris. C'est un match. Assez doux. Une seule pénalité, si je me rappelle bien. Je pense. Oui, pénalité de confusion, c'est tu vois, c'est à propos. On voit que tu étais confus. Exactement. Non, c'était un match qui était officié par l'arbitre Laramie Zwicky. Qui d'habitude est sévère. Oui, d'habitude n'en laisse pas passer. Mm-hmm. Cette fois-ci, a été plutôt clément envers les joueurs et a laissé la finale aller. Généralement, comme au hockey, en série, on serre les sifflettes et on laisse les joueurs jouer. Oui. C'est ce qui a été fait. C'est ça. Le match s'est terminé, Mathieu, par le résultat de... mon Dieu, j'ai pas le résultat calculé, mais je me sens que c'est page, 11 à 5. Sur mes feuilles, là, c'est mieux écrit. C'est ça? Il y a des feuilles, là, c'est incroyable. Non. Ça s'est fini 11 à 5. Décevant. 11 à 5 pour oui, les... c'est écrit ici. 11 à 5 pour les Rouges. Pour les Rouges. Ton équipe à toi s'en va en finale. Oui, exact. Et les Bleus de Magali Brousseau-Arcan s'en vont. Chez eux. Chez eux, ben c'est voilà. Ça. Voilà, ils s'en retournent à la maison. Parce qu'ils peuvent pas tout jouer, là. Hein? Voilà, mais c'est la nature des séries éliminatoires. 11 à 5, on va se le dire. Petite raclée. Une varlope. Ben non, ils ont bien joué. Mais ça a été un match qui était quand même serré tout du long. Ça paraît pas par le pointage. Non. Il y a eu quelques improvisations à sens très unique, mais là, je suis pas là pour me péter les bretelles ben non, pour dire que les Rouges sont nettement supérieurs. L'affiche en témoigne. Ceci étant dit, on a eu droit à quelques impros, ma foi, très amusantes, notamment une vidéo Way. Connaissez-vous ça, une vidéo Way? Oui, une vidéo Way. C'est tellement fun. Tania, je sais pas c'est quoi. Non. Bon. Faisons de l'éducation. La vidéo Way est une catégorie d'improvisation dans laquelle l'improvisoire est séparé en quatre chaînes télévisées. OK. Deux improvisateurs par équipe font donc une des chaînes télévisées. Il peut y avoir, comme là, dans ce cas-là, il y avait Youpa, qui est une chaîne destinée aux enfants aux très enfants, jeunes. Oui, en effet. Il y avait Infopub. Ouais, oui, Boutique TVA. Il y avait Canal D. Et il y avait... T'écris ça à la fin, je pense. Et là, ce qui était le fun avec Canal D, c'est qu'à la place de mettre des émissions de découverte comme Canal D, ils ont fait la même chose que Canal D, c'était des émissions d'enchères de... Voilà, de oui. Des âges de même. Ouais, de, aucune découverte là-dedans. Non, ça. Exact. Et puis, il y avait finalement la télé communautaire. Oui. Okay. Qui donne un très bon poste où on a vu du tricot se faire aller à la télé. C'était et un malaise à l'animation, bien sûr. Oui, oui. Pas le choix. C'est ça, la télé communautaire. Exact. Exactement. Dans l'équipe des Bleus, en passant, on l'a pas dit tantôt, mais non seulement Magali Lépine-Blondeau va s'en aller, mais on ne reverra plus Joanne Dufresne. Non, malheureusement. Notre ami Xavier McLeish. Mais non. Ni Alexis Roy. Non. C'est bien triste. Alexis Roy qui probablement va rejouer par contre. Pour remplacer des joueurs de l'autre équipe. Exactement, puisqu'il était substitut de l'équipe des Oranges. Donc on va voir si les alinéas de la nature feront qu'il rejouera. Par contre, on va revoir les Rouges, non seulement toi, Gab, mais on va revoir Marc Lachance. Ben oui, l'excellent Marc. Gabriel Lecomte. Oui, le fantastique. Karine Perron. L'illumineuse. Et peut-être, même si le cas échéant voulant, peut-être Nicolas Marino va venir remplacer quelqu'un. Peut-être on sait pas. Le verrons-nous. We don't know. We don't know yet. Autre chose qui t'a marqué dans la demi-finale 1? Nous avons le droit à une improvisation. Ça commence à être loin, c'est lundi passé. Oui, exact. Moi, c'est surtout de l'improvisation. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de script. Non, c'est ça. Et on a juste des titres écrits en pattes de mouche sur la feuille de résumé. C'est la fin. Donc, parlons du match de lundi qui s'en vient. C'est la deuxième demi-finale. Exactement. C'est ce match-là. À l'issue de ce match-là, on saura qui s'en va en finale, qui affrontera les Rouges. Puisque ce match met Les oranges contre les verts. Ooh. Oui, les oranges d'Alexandrine Pichet-Cyr et les verts de Francis Dugré-Lampron s'affronteront dans un match sans lendemain pour déterminer qui s'en va en finale. Il n'y aura pas de lendemain, mais il va y avoir une semaine prochaine. Voilà. Parce que les gagnants de ces deux matchs-là, les deux demi-finales, s'affrontent vont se rendre en finale. La finale. Mm-hmm. Mm-hmm. Évidemment, les verts étant aussi l'équipe de Jocelyn Garneau qui frappe tout le temps ben fort. Oui, Jocelyn est un improvisateur avec énormément d'expérience. Mm-hmm. C'est très drôle aussi. Et les oranges étant l'équipe plus théâtrale. Exact. Avec, entre autres, Marc-André. Oui. Mm-hmm. Alexandrine Pichet-Cyr et Marc-André font un excellent duo pour ce qui est des improvisations qu'on appelle plus grounded, plus terre à terre. Des improvisations concept, des fois, exactement. Est-ce qu'il va y avoir là-dedans des chantés? On va le voir. Possiblement. On ne sait pas. Donc, les verts qui sont en première position au classement en ce moment et les oranges qui sont en dernière place. Voilà. Donc, beaucoup de terrain à rattraper pour les oranges quand Mais même. Mais qui sait? Qui sait? On ne sait jamais. Des fois, ça arrive des changements, des revirements de situation. Oui, exactement. C'est ça. Donc, ça, c'est le 9 avril, lundi prochain. Et ensuite de ça, on va terminer la saison le 16 avril. Oui. Avec la finale et le gala des mollusques. Du mollusque. Oui, le gala mollusque qui récompense individuellement certains joueurs. Donc, on a par exemple le prix du joueur le plus constructeur. Un joueur constructeur, qu'est-ce que c'est, Mathieu? C'est quoi ça? Je sais pas. C'est quoi? Commencer par Renaud Dépôt. Je sais pas parce que c'est pas mon style du tout, en fait. Un joueur constructeur, en fait, son rôle dans une équipe ou sur l'improvisoire, qu'il soit conscient ou non, son rôle est de mettre en place toutes les variables qui font que l'impro va potentiellement lever, donc mettre en place. Sens, c'est exactement, ça, l'univers. Installe les bases, c'est bien dit. Donc, on va construire l'univers, ce qui permettra aux autres joueurs, qui est d'ailleurs un autre prix qui est remis, le joueur puncher, si je ne me trompe pas. C'est comme ça, oui. Je sais pas s'il est remis individuellement à la lutte. Je m'en rappelle plus. Bonne question. Ouais, hein? Mais sans joueur constructeur, oubliez ça, il n'y a pas de joueur puncher. Sinon, on assiste à un monologue. Exact. C'est ça. Ce que tu aimerais bien faire, un festival de gags. Peut-être. Tu le fais des fois dans les conférences de presse. Peut-être, juste oui. J'aime bien ça. C'est ça. Sinon, joueur de l'année. Joueur de l'année. Joueur recrue de l'année. Oui, recrue de l'année. Joueur le plus apprécié du public. D'ailleurs, public qui se déplacera lundi prochain, le 9 avril, 20h à la Chasse-Galerie, vous aurez l'occasion de voter pour votre joueur favori. C'est très important puisque le vote du public est comptabilisé et nous récompensons le joueur qui a fait rire ou qui a le plus ému le public tout au long de la saison. Et encore la possibilité de se faire hacker par les Russes. Oui. Qui vont élire Vlad. Oui, peut-être Poutine qui va gagner le joueur le plus apprécié du public. Ça peut arriver. Ah, c'est vrai. Tout peut arriver. Il va sortir plusieurs scandales sur tous les joueurs qui avaient le plus de votes. Peut-être est-ce qu'un des joueurs a eu une relation avec une four-star. Ça pourrait les aider dans leur élection, on sait pas. Ce serait particulier. Ce serait le fun quand même. Allez voir, pour vrai, juste pour le plaisir de la chose, allez voter lundi parce que les photos qui ont été choisies sont excellentes. Sont vraiment drôles. C'est tout dans des positions absolument d'hurluberlu. Oui, les photos sont les moins avantageuses qu'ils pouvaient trouver dans le catalogue complet de photos de joueurs de la Ligue. Exactement. La personne qui a fait ça est allée sur Facebook et ils ont cherché les pires photos. Exactement. On aime ça. Donc, ce sera à une table à l'entrée de la Chasse-Galerie lundi. Oui. Pour la dernière fois parce que ça a eu lieu lundi passé aussi. Exactement. Ensuite, le vote sera comptabilisé et le prix sera remis à la finale. Exactement. À la finale, qu'est-ce qu'il va y avoir aussi? Des concours. Oui. Demi-finale, même chose, dans les pichets. Il reste encore des cartes cadeaux. C'est pour ça que j'aimerais inviter le maximum de public puisque l'improvisation, d'un, c'est une activité qui est gratuite. Deuxièmement, nous y remettons de nombreux prix qui font que, finalement, t'arrives là, ça te coûte rien, tu peux repartir. La bière t'aura rien coûté. Tu peux recevoir un livre. On aime ça. Tu peux recevoir des billets pour la LIM, qui est la Ligue d'improvisation mauricienne, qui elle aussi est en série éliminatoire, ça c'est dit. Unbelievable. Incroyable. C'est vraiment le fun. Tout ça gratuitement. On cherche un maximum de public et un public du Maximus aussi, le public du magasin pour Taille Forte. Voilà. On vous invite aussi. Oui, il y a assez de place assise pour tout le monde. Voilà. Jusqu'à 6 Excel, je pense. Voilà. Merci, Gabriel Bill. Hey, bienvenue. Est-ce que tu t'en vas quelque part? Non. T'en vas-tu enseigner? Ouais, non, pas aujourd'hui. C'est fini ce temps-là. Non, pas du tout, mais pas aujourd'hui. OK. Ça ne fait que commencer. Exact. Sauf qu'aujourd'hui, c'est journée de congé pour les élèves, peut-être. Pas dans la commission scolaire des chaînes, qui est Drummondville, là où je travaille. Non, aujourd'hui, c'est ouvert dans la commission scolaire des chaînes. Sorel-Tracy, Drummondville, Trois-Rivières. T'es un voyageur. Un homme du monde. Je suis un citoyen de la Terre. Ton passeport est garni. Oui, en effet. Tu fais du stempé quand t'arrives à Sorel? À Sorel, oui. T'es type Subway là-dedans. C'est la tête des S. Oups. Mon la tête des S, dormait violent, ça. Mais Sorel. Mais oui, mais là, personnes? As-tu tué du monde? À Sorel, non. Pas à Sorel, là. Non. Drummondville, par contre. Longueuil. Est-ce que vous en croisez beaucoup si vous, avez, si vous vivez oui. là maintenant? Oui. Oui. Bien identifié, genre? Ben, ça dépend. Là. Dans okay. les événements, oui. OK. Au jour de l'an, par exemple, tu ah débarques ouais. à... Ta famille. Non, mais c'est ça, mais tu débarques à ton pub favori, qui est... dans le fond, il y a trois pubs à ça. Ouais, ouais c'est ouais. ça. Là, tu vas au pub. Fait que t'as trois chances sur trois de tomber sur... Ben, tu montes en haut deuxième, tu te rends compte, ah, mon Dieu, est-ce une convention? Ah, OK, c'est un regroupement. Oui, dernièrement, j'ai des amis qui m'ont raconté, on a un auberge qui est comme 4 ou 5 étoiles, c'est quand même une belle auberge. Mm-hmm. OK, ouais, ouais. Et puis, ils font d'un brunch la fin de semaine. Ah! Mes amis disent, on va aller au brunch, c'est agréable. Tu sais, ben c'est, oui. La nourriture est excellente et puis tout ça. Ils sont rentrés, il restait une table de libre. Ah, fantastique, on va prendre cette table-là. Pour finalement se rendre compte que les 200 autres places assises étaient occupées par des S de partout en Amérique du Nord. Oh! Ouais. C'était comme les intrus, là. Ouais, chapitre Vancouver. Est-ce que vous avez fait du réseautage? Ah, non, pas du tout. Non, ils devaient de l'argent, hein, ça, ces gars-là. Ce temps-là, ouais, c'est ça, ouais. Dans ce temps-là, s'il ne reste plus beaucoup de bacon dans la tôle, t'attends, tu laisses le bacon qui reste pour ouais. eux, puis t'attends qu'il y a une nouvelle saucisse. Tôle. Vas-y, Marcel, garde-toi. C'est dit pas, hey man, c'est ma tranche, ça, c'est boy. Mais quand t'as dit il y a seulement un auberge, je pense que t'allais dire on a un obèse. Non, non, ça on en a plusieurs. Ça on a plusieurs. Oui. On peut pas rire de ça. Non. Non, parce que, en tout cas, je pense à un en particulier. Ok, oui, d'accord. Dont le surnom est Trésor. Trésor. S'il y a des gens de Sorel à l'écoute, Trésor est. Il est très trésor, comme oui, un oui, oui. Ben, il se déplace en quadriporteur. Okay. En tout cas, on peut pas l'identifier parce que là, ben, on n'a pas son prénom. C'est pas super non, non, là. C'est ça. Il est roux. Oh, OK. Donc, okay. Ah. Il y a une coupe Longueuil. Oh, oui. Puis, ben, des journées comme aujourd'hui, c'est pas rare qu'il se pogne dans un banc de neige avec son ouais. quadriporteur. Fait que tu l'aides, là? Oui, ouais. J'ai déjà fait ça. On a déjà fait ça, le dépogner d'un banc de neige. S'il n'y avait pas de traction, ses pneus se rendaient pas sur le... trottoir. Mais vous, c'est vraiment très bizarre de dire « Hey, Trésor, est-ce que je peux t'aider? » Non, c'est son surnom. Ouais, je sais bien, mais ça a l'air bizarre. Tout le ouais. monde le sait, j'imagine. Bah oui, tout le monde oui, sait. Oui, sûrement. Personne... Moi, je sais pas son vrai nom. Là. C'est comme ah, la fois, fois, j'ai raconté que, t'sais, qu'il y avait un gars particulier qui entre tout le temps dans l'autobus et quand c'est la madame qui chauffe, il dit tout le temps genre « Salut mon petit cœur. » Ah. Tout le temps. Ah. La madame lui dit ça ou... Non, le gars dit ça à madame. Moi, je trouve ça malaisant, mais peut-être que c'est son surnom. Trésor, ouais, c'est peut-être coeur. Joli cœur. Peut-être que c'est ça. C'est un petit cœur. Mm-hmm. C'est Piccolo. Ouais, ouais. Dans Piccolo. Ouais. Je sais pas. T'as jamais dit Dragon Ball? Si j'ai écouté quoi? Dragon Ball. Dragon Ball, non, excuse-moi, t'as pas. Tu passes au côté de quelque chose là. Ah ouais, bah ouais. Hein. Moi, je conseille de les lire parce que de les écouter, tu te rends compte qu'il se passe rien dans un ouais. épisode. Moi, j'avais pas bien aimé les écouter, mais les lire. Ah ouais? Oh oui. En bande dessinée. Oui, oui, oui. Ah! Je dors plus. Quelle, okay. Quelle génération de Dragon Ball on parle? Hein? Moi, j'ai Dragon Ball puis Dragon Ball Z. Ouais, c'est ça. Z. Après, il y a Z. GT. Après, il y a Ultra! Je sais pas. Hein, il y en a 10 000. Ouais, ouais. Sinon, Trois-Rivières Metal Fest qui sont en fait. Semaine, oui, tu regardes le carton. Pis, ben oui, il y a des bons noms. De... Piccolo non. là-dedans? Piccolo, non, ben oui, Piccolo va être crucifié sur le stage. Ah, probablement. Ah ouais, t'es sérieux? Durant le show de Cattle Decapitation. Oh. Hey, ça, décapitation d'un troupeau de vaches, hein? C'est, ouais, ouais, ouais. C'est clairement du folk à la sœur boulée, ça. Oui, c'est ben oui, ben oui. Petite musique douce. Ah, ouais. Puis Despised Icon. Oui, dont on ignore leur présence ou non. Leur c'est de absence. La pop, ça, je pense, c'est ça? Oui, Despised Icon, c'est un beau message. Ouais. Ils viennent vraiment chercher les jeunes hommes, les jeunes femmes. Pour lancer un beau message d'acceptation de soi. Oui. Oui, ils sont contre l'hypersexualisation. Ah, OK. Ouais, ouais, ouais. Mais t'es bref là-dedans, mettons. Je sais que tu suis ça, le métal, pour vrai. Là, c'est même pas de l'ironie. Ben, j'ai déjà vu Obey the Brave. C'est, okay. C'est pas pire du tout. Ouais. Je connais pas ça. Le restant, j'aime bien. Mais c'est des gros noms, là. C'est des gros noms. Anonymous, ouais. Très bon, qui ouais. Était avec mon oncle Serge dans le temps, donc excellent. Mm-hmm. Le restant, ça me dit pas grand-chose. Mais faut dire que c'est quand même au cabaret de l'amphithéâtre. Donc, oui, ils ont c'est vraiment du big. Ils sont passés au prochain. Moi, la fois que j'ai été au Metal Fest, c'était au Café Rock Le Stage. Oui, au Cap de la Madeleine. Oh, wow. Oui, endroit... Le chic. Oh, oui, oui, Café dire. Rock. C'est celui où t'as une grosse poutre dans le milieu de la place. Ouais, ouais, bon beam. C'est là où si tu fais un mosh pit, il y a plus de chances que tu revoles sur que un tu mur. Décèdes. Que ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Le nombre ouais, de commotions. Mon frère se tenait là quand il était plus jeune, et quand j'étais plus jeune, évidemment, et j'y ai mis les pieds une fois, OK? J'y suis plus jamais retournée. Pourquoi? Plus jamais. J'avais bien trop peur de me faire rentrer un coup dans le front. Ouais, ça, ça dépend. Mon frère s'était fait péter le nez, péter ses lunettes. Ouais, ben ça, ça dépend. Il y a des gens qui font comme du hardcore dancing, que ça s'appelle. Ouais. Ça, c'est les gens qui ferment leurs poings. Qui les passent en moulinet à l'entour de leur corps. Exactement. C'est, je sais pas si c'est encore 20 ans à mode. Là. Mais à cette place-là, je te dirais que probablement. Mais, tu sais, moi, c'est sûr, la fois que j'étais allé, il y avait des gens qui faisaient du hardcore dancing, dont deux gars de 6 pieds 4 pesaient 200. Mm-hmm. Mettons que tu te tiens loin, parce que moi, j'avais mangé un poing sur la gueule, ça m'avait rien cassé, mais... Okay. Ça saisit. Ben, c'est la technique de Piccolo dans Dragon Ball. Ça. Oui, ça doit, exactement. Hein? Se faire aller les poings ses côtés. Oui. Sûrement qu'en plus, eux, ils brassent leurs bras en moulinet avec des vêtements pesants. Puis là, ils arrivent sur le stage, puis ils les enlèvent. Fait que ça va à peu près 16 fois plus vite. Ils font ça dans Dragon Ball. Ils s'entraînent avec... Oui, ils s'entraînent sur des planètes où la gravité est beaucoup plus élevée. Ah, alors, lorsqu'ils arrivent sur Terre... Ah, ben oui, c'est ça. Ah, ben oui. T'es habitué. Ah, oui. Ça, ou dans piscine, des fois, les astronautes s'entraînent exactement. Dans piscine. Exactement. Ben oui. C'est vrai. Hmm? J'y avais pas pensé. Non. Ben... Hey, hein? On vous a mis au courant de plein de choses que vous saviez pas, hein? Voilà. C'est ça, merci. Vous allez être des auditeurs avertis maintenant. Comment, Lydia? C'est une émission de service. C'est une émission de service, c'est ça. Alors, voilà. C'est ça. On l'a dit, salut Rocky, puis assemblage, bonjour. Ben oui. Gabriel Béhoud, on te retrouve à la lutte. Alors donc, du coup, alors bye, voilà. C'est donc, ça, bye bye. C'est dit dans le contexte actuel. Voilà. Ouais. Bonjour. J'ai un élève qui dit toujours bye comme ça. Alors donc, du coup, voilà, bye bye. Puis aucunement français, hein? Non, non, pas du tout. Ça serait très bien. Mais, vraiment. Mais, donne. T'as plusieurs. C'est des adverbes, ça, ou des conjonctures. Des conjonctures. Pas trop, là, des conjonctivites qui te donnent. Oui, oui, oui, littéralement. Tout le temps, ah, c'est ça. Dans les oreilles. Tu finis la journée, puis moudine. T'as encore une conjonctivite dans l'oreille. Mm-hmm. Alors, donc, du coup, voilà. Bye bye. C'est ça. On a de la misère à zéro fois. Hein. On n'est pas capable. J'ai un problème gars. D'attachement. Mais c'est parce qu'il n'est pas là souvent, en fait. Non. Exactement. On veut le garder. C'est difficile. J'aimerais ça être là plus souvent. Est-ce que tu restes? Est-ce que tu restes? Il t'a comme ça, comme s'il y avait genre l'anxiété de séparation qui allait suivre, là, si tu partais. Ouais. Que c'est, finissez-vous à 10? Ben oui, on finit ben à 10, oui. Ah, ben oui, on va rester ici, si vous voulez que je... Ben oui, certainement. Ben, c'est bon, je vais intervenir de façon impromptue et... Hey, j'espère-tu. Merveilleux. J'espère-tu. J'ai aucun problème avec ça. Mais avant ça, par contre... Avant ça, une petite chanson. Ben oui, pourquoi pas. C'est ça, un petit biscuit. Un petit biscuit. Outre-tombe, le fameux groupe Outre-tombe. C'est exactement ça, c'est exactement ça, Outre-tombe. C'est Problems de Petite Biscuit. Ah, c'est magique. The amount of magnetism's perfect. She says she knows just how to cool down California for me. Text at 3 a.m. because a roommate back in Texas. I copy like Roger. We could climb some trees and get perspective. Mirror right next to a bed, motion perfected. All I can do is respect it. But why'd you wanna be around me in the first place? She said, baby, up and down since third grade. You were satisfied with first base. And I've been widely known to be providing earthquakes. You must not have heard. She likes the shark print with the zip up, hi-hats with the hiccups, dark tints on a pickup, pineapples and liquor. She moved with the machine, played a game to change it. This is how it is to be. This is what I'm made with. This is love. The silhouette against the sunrise. She read my mind and poured some Earl Grey in a solo for me. Asked me if I wanna go to Mars and watch the world end. got everything I need. Playing Joe to see at noon, we might never leave a room. She likes the shark print with the zip up, hi-hats with the hiccups, dark tints on a pickup, pineapples and liquor. She knew with the machine, played a game to change it. This is how it is to be. This is what I'm made with. This is love. Assemblage Rocky, c'est la dernière demi-heure en ce mercredi 4 avril 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On a gardé Gabriel Béot ouais. avec nous. Salut. Salut. Et t'es là pour être témoin auditif. Oui. Hein, de la chronique de Tania. Vas-y. Dans mm-hmm. Tania is gonna entertain ya. T'essaieras de chanter avec moi. Moi, ouais, je la connais. T'essaieras, ok. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Elle est allée à l'école et puis maintenant elle est cause Tania. She's gonna dream. C'est parfait. De l'or en or. Tania, tu nous parles de la révolution agricole au Québec. Oui, certainement, mais je vais faire une entrée en la matière en discutant d'un Français, en fait. Mmh. Un biologiste français, parce qu'on parle souvent maintenant que les pesticides, ça fait partie de notre alimentation. Je pense qu'on ne peut pas s'en cacher. Et puis, il y a un biologiste français qui dénonce depuis des années les pesticides comme étant cancérigènes et potentiellement mortels. Mmh. Donc, depuis 2015, en fait, il mène une expérience où il fait déguster du vin qui contient des pesticides. Oh, ce qui est drôle un petit peu, c'est qu'on en a résulté un livre. Ça s'intitule « Le goût des pesticides dans le vin » et ça a été publié en janvier dernier. Ça a été co-signé par un chef cuisinier biologique qui est Jérôme Douzelet. Et c'est drôle parce que c'est contradictoire. Parce que le biologique proclame depuis des années que les pesticides sont dangereux même à de très faibles doses. Et son livre suscite du coup une certaine complexité ou... c'est perplexe, parce qu'en fait, soit qu'il croit que c'est pas nécessairement dangereux en faible dose, ou soit il fait volontairement courir un danger à ses collaborateurs. Ouais, c'est ça, mais j'imagine que c'est pas ça. Exactement, donc j'imagine que non, mais il y a des cobayes qui, selon le livre, ont été quand même 71 professionnels, entre autres dans la gastronomie et surtout dans le monde du vin, où on essaie justement de voir la différence entre un vin qui va avoir des pesticides et un vin sans pesticides. Si jamais ça vous intéresse, je vous répète le nom du livre, c'est « Le goût des pesticides dans le vin ». Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça en entrée de la matière? Gab m'a un peu spoilé à l'extérieur des ondes pendant qu'on était dans le moment de publicité. Mm-hmm. On a écouté la même... clairement, on a écouté le même segment d'une l'amour émission. L'amour est dans le pré. C'est ça, l'amour d'achat. Non, on a écouté la même entrevue avec le même homme, j'ai comme l'impression, et je parle de Jean-Marc Fortin. Oh. Fortin, c'est ça, hein? Ben oui. J'espère que je dis pas un nom pas bon, là. C'est Jean-Martin Fortier, voilà, je sais pas, hein? T'étais j'avais quelques Jean. Syllabes près, hein, ouais, c'est ça. J'avais le Jean. On a écouté la même entrevue, en fait, qui a été présentée à Tout le monde en parle il y a quelques semaines à déjà. Telmup. Où on parle justement qu'il y a une espèce de révolution agricole au niveau du Québec. Et Jean-Martin Fortier, c'est un petit peu le gars derrière tout ça. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est très facile. Il a écrit le livre Le Jardin jardinier maraîcher. Ça l'a convaincu plusieurs personnes que c'était possible de gagner sa vie en cultivant des fruits et des légumes sur une petite surface et de le faire sans pesticides. Donc, ce gars-là, c'est comme un petit peu la révolution même sur deux pieds de tout ce qu'on connaît dans l'alimentation présentement au Québec, au Canada et un petit peu même partout dans le monde. Donc, on se retrouve 4 ans plus tard où on a déjà plusieurs personnes qui vivent de cette façon-là, c'est-à-dire en devenant une espèce de cultivateur maraîcher chez nous avec des fermes verticales. Oh, verticales! Qu'est-ce que les fermes verticales? Eh bien, on pense que c'est l'avenir de l'agriculture un petit peu. Ça, c'est connu en Asie, c'est connu en Amérique du Nord et en Europe. Donc, il y a plus de 300 fermes qui sont déjà dites verticales, qui ont vu le jour depuis quelques années. Mmh. C'est un petit peu la façon que tu peux te mettre à faire une ferme sans que ça te coûte trop cher, parce qu'il y a bien évidemment toute la machinerie que tu dois acheter. Il y a aussi les employés que tu dois bien évidemment rémunérer. Et il y a le travail par soi-même où on se dit qu'on veut avoir des résultats optimaux rapidement. Donc, si on regarde par exemple dans le quartier industriel du côté de New York, eh bien, c'est une entreprise qui s'appelle Arrow Farms qui vient d'ouvrir l'une des plus grandes fermes verticales au monde. C'est un immeuble de 22 mètres carrés et ça a des emplacements d'une ancienne fonderie. Donc, on va cultiver de la roquette, du chou frisé, des feuilles de moutarde et du cresson. Et ça comporte 12 niveaux d'espace cultivable. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que c'est soit chou dans les airs, ouais. Ou soit derrière chez soi, mais de façon très, très restreinte. Exactement. Donc, c'est un environnement qui est réglé au quart de tour parce qu'on veut que ça fonctionne, on veut que ça soit optimal. Et on a développé un système de production aéroponique. Plutôt que d'être enfoui dans la terre, bien, les racines de plantes vont pendre dans les airs et vont être aspergées périodiquement d'une fine brume d'eau et de nutriments, sans que ça soit des pesticides. Parce qu'on se rappelle qu'on veut pas de pesticides dans notre nourriture maintenant, OK? Donc, il y a des milliers de capteurs qui vont surveiller la température, le taux d'humidité, le niveau de CO2 dans l'air, et c'est comme ça qu'on va faire le rythme de croissance et même la forme des feuilles. Donc, rien est laissé au hasard, tout est vraiment pensé. Et si on regarde dans un champ conventionnel, bien, ces plantes-là mettraient, par exemple, 30 à 40 jours à pousser. Si on regarde les fermes verticales, eh bien, ils produisent jusqu'à 30 récoltes plutôt que 2 ou 3 dans un champ. Donc, c'est fois 10 quasiment. Là. On est en train de changer un petit peu la donne de comment est-ce qu'on peut faire pousser nos fruits et légumes. Les cultures idéales, bien, c'est les légumes qui sont récoltés et transportés le jour même aux supermarchés locaux. Ça se vend environ le même prix que les produits de la Californie, de l'Arizona, du Mexique. Par contre, c'est 60 % des légumes feuilles qui finissent par mourir en temps normal, dans une ferme normale. Tandis que là, si on y va avec les fermes verticales, eh bien, on optimise vraiment tout parce qu'on ramène le tout, la journée même, au marché. Est-ce qu'il parle, par exemple, de l'investissement que ça représente construire ce genre de ferme-là, parce que c'est bien beau, puis j'imagine que ça devient rentable très rapidement. Exactement. C'est pour les fermes qui sont dites verticales, là, surtout du côté des États-Unis. On voit aussi du côté de Montréal certaines personnes qui veulent y mettre de l'argent. C'est très cher parce qu'il y a des infrastructures qu'il faut que tu achètes. Tu peux juste engager des gens qui sont très grands aussi. Ouais, bien évidemment. Hein? Non, mais tu vas y aller avec un élévateur. Ah! Donc, de ce côté-là, ça te prend un élévateur. Tu sais, t'as pas le choix. Ça te prend aussi une place qui va être quand même assez haute parce que tu veux avoir plusieurs paliers. Mm-hmm. Donc, de ce côté-là, ça te prend une certaine Investissement initial. Exactement. Un investissement initial qui va être quand même assez gros. Si on regarde ce que Jean-Martin Fortier a fait ici au Québec, c'est complètement autre chose. L'agriculteur, en fait, est devenu une espèce de célébrité internationale dans l'univers du bio. Donc, on trouve des façons de faire qui vont être rentables, mais avec 3 fois moins de choses. Ah. Et c'est là la grande différence, c'est que t'as pas besoin d'un investissement qui va être incroyablement cher. On parle de pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'équipement. Donc, on revient un petit peu aux bases de ce que c'était dans le temps que de faire ses propres fruits et légumes. Mon arrière-arrière. Exactement. C'est templaire, ça. On travaille... évidemment, il s'est fait offrir plusieurs emplois. Il travaille pour un homme d'affaires aux ressources quand même assez immenses sur un autre projet. Mais on a décidé de mettre ses propres nouvelles idées, sa propre énergie, son argent et son savoir-faire en gestion, en finance, dans le but de tout simplement optimiser le modèle d'affaires agricole qu'on retrouve au Québec. C'est un modèle qui est assez profitable, mais aussi biologique. C'est exportable, c'est-à-dire que tu peux vraiment l'amener quasiment n'importe où. Et ça permet aux jeunes qui veulent justement créer une ferme naturelle de gagner solidement leur vie. Donc, on a décidé de se remettre un petit peu à faire, comme je le disais, là, ce que nos arrière-arrière-grands-parents faisaient. Ils ont labouré la terre. Exactement. C'est-à-dire que t'es labour, c'est comme ça qu'on dit ça? Oui, ouais, et labour quelque chose. Ouais, exactement. bon, mais ça se fait à la main quasiment. Tu sais, on parle pas d'une grande machinerie parce qu'on veut réduire les coûts de ce que va être notre engagement à ce niveau-là. On veut pas des pesticides non plus, donc on va y aller avec des nutriments qui vont être dits bio. L'idée, en fait, c'est venu au président délégué du conseil, donc le président et co-chef de la direction de Power Corporation, à la naissance de son petit-fils. Il s'est dit qu'il aimerait faire une différence pour travailler, avoir accès à de la nourriture qui est dite santé. Donc, on a engagé par la suite Jean-Martin Fortier pour pouvoir vraiment le définir le projet en entier à la suite de la lecture de son livre, parce que c'est quand même assez intéressant de voir à quel point cet homme-là est plein de ressources. Ressources. Donc, de ce côté-là, Jean-Martin Fortier fait en sorte que les nouveaux qui veulent se rentrer dans le monde de l'agriculture au Québec ont une nouvelle alternative. On n'a pas nécessairement besoin, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les normes agricoles ici au Québec, maintenant, si on achète vraiment beaucoup d'hectares de terrain, ça rentre dans certaines lois. Tu te dois d'avoir de la machinerie, tu te dois d'avoir beaucoup d'employés, tu te dois d'avoir telle chose selon les lois de l'agriculture. Et ce qu'on a voulu faire, c'est de vraiment réduire ce qu'on devait avoir comme normes qui étaient très coûteuses, mais surtout en licence, parce que bon, tu décides de devenir fermier demain matin, veux pas, ça te prend une licence. Ça te prend une licence comme quoi tu vas avoir le droit d'aller vendre tes fruits et légumes, mais à de très grandes quantités. Si on regarde ça comme ça, Jean-Martin Fortier a vraiment changé la donne à ce niveau-là, parce qu'actuellement, pour 10 ou 15 000 $ on peut très bien partir sa propre ferme et d'en voir la rentabilité assez rapidement. Donc, il y a des légumes, il y a de la viande aussi. On parle de biologique, mais on parle pas nécessairement juste de quelque chose de vegan ou de végétariens. On parle vraiment de tout ce qu'il y a. Fait qu'on peut avoir 250 poules, des cochons en quasi-liberté dans la forêt, parce qu'on dit quasi parce qu'il faut mettre un enclos, là, ouais, je veux dire, hein, on s'entend. Donc, il aurait aimé avoir quelques vaches, mais ils n'ont pas le quota de lait. Parce que si on décide de devenir un producteur laitier, ça prend un quota. Okay. Et ce quota-là coûte cher. Mm-hmm. Donc, à vrai dire, Jean-Martin Fortier n'a pas été impressionné, en fait, par tous les obstacles réglementaires qu'il a rencontrés depuis le début du projet. Il a fait ça avec sa compagne de vie, et ils ont été imposés par l'Union des producteurs agricoles, que, justement, le ministère de l'Agriculture n'a pas nécessairement le choix. À un certain moment, on va rentrer chez vous, on va vous dire, bon, ben, hein, selon tes quotas, telle chose, tu te dois d'avoir cette licence-là. Et pour faire du bio, ça prend du béton un peu partout. Ce qu'on veut dire, c'est que ça prend de l'argent. Les coûts de toutes ces balises-là imposées, c'est souvent énorme et ça affecte le modèle d'affaires. Donc, c'est un petit peu épouvantable au niveau du Québec, parce qu'on ne peut pas nécessairement faire du bio comme on voudrait le faire. Dans le potager, par exemple, tout est organisé en fonction des principes d'agriculture bio de façon intensive. C'est quelque chose qui a été mis au point par Jean-Martin Fortier, qui a écrit, justement, comme je le disais tout à l'heure, là, le best-seller international sur la question. Et ce qui les intéresse, ce sont les rendements de ces fruits et légumes-là qui vont être dites bio, mais de façon intensive. Ce qui est fun aussi à comprendre, c'est que dans leur ferme, ils font du 4 saisons. OK. Et ils font une récolte qui va être beaucoup plus rapide, par exemple, quand les temps vont être froids. Mais ce qu'on ne comprend pas nécessairement tout le temps lorsqu'on est agriculteur au Québec, c'est que le froid, c'est bon pour les fruits et légumes. Ça garde la saveur, ça garde l'eau à l'intérieur des fruits et légumes, et c'est ça qu'on recherche. Tandis que quand on se dit, bon, ben là, la saison est finie, les récoltes sont finies, c'est pas nécessairement vrai. C'est que la machinerie qu'on utilise est peut-être pas optimale pour pouvoir conserver ces fruits et légumes-là pendant 4 saisons. Et chose qu'il est possible de faire du côté de Jean-Martin Fortier et sa compagne, c'est qu'ils ont décidé de tout faire à la main. Donc, on va utiliser des petits tunnels. On va utiliser des bâches pour pouvoir recouvrir les fruits et légumes parce qu'on ne veut pas nécessairement que la neige ou l'eau les atteigne. Mais on veut quand même garder cette humidité-là et ce froid-là dans la terre. Donc, c'est une chose qui est possible. C'est une chose qui va rendre, bien évidemment, ton travail un petit peu plus agréable aussi à la longueur, à longueur d'année. Tout dépendant de ce que tu veux faire, là, on s'entend. Mmh. Mais ce qui est le fun de voir, c'est qu'on peut avoir une bonne nutrition sans nécessairement défoncer son budget. Jean-Martin Fortier et sa compagne ont, par exemple, des paniers bio qui sont complètement québécois. Donc, à ce niveau-là, de pouvoir aller au marché, contrairement à aller à l'épicerie, pour certains, ça peut être très, très rentable parce que tes fruits et légumes vont être extrêmement frais. Ils n'auront pas voyagé du Mexique à ici, malgré le fait qu'ils sont biologiques. Et justement, tu vas pouvoir avoir, par exemple, un abonnement au panier biologique. Donc, à chaque semaine, tu vas avoir ton panier qui va t'attendre au marché. Cool, hein? C'est vraiment le fun. Il y a plusieurs parcelles de terrain, en fait, qui peuvent nourrir des centaines de familles sans produits chimiques ni tracteurs. Et c'est ce qu'on commence à comprendre au niveau des investisseurs qui sont quand même plus jeunes au Québec. C'est possible, c'est vital. Et bon, je parle de Jean-Martin Fortier parce que c'est son entrevue. Exactement. C'est le visage du mouvement, mais il y en a plusieurs autres aussi qui sont sortis de ce mouvement-là, entre autres Véronique Lacroix et Gaëlle Menceux, qui sont propriétaires de la ferme des Libellules. Donc, c'est vraiment le même style d'agriculture. On va vraiment y aller quasiment à la main. C'est très demandant, évidemment, mais quand tu as la passion de vouloir le faire, la machinerie devient quelque chose de quasiment pas le fun. Ouais. Ça devient quelque chose de chérant, mais ça devient quelque chose où tu n'as plus nécessairement ce modèle-là de vouloir le faire par toi-même, parce qu'il y a beaucoup de machinerie autour de toi. Donc, en 2011, ils ont acheté une petite maison de campagne dans la Naudière et 2 ans plus tard, ils l'ont convertie en fermette. Ils ont lu le livre de Jean-Martin Fortier et ils ont été convaincus, en fait, que c'était possible de gagner leur vie en cultivant des fruits et légumes sur une petite surface. Et 4 ans plus tard, eh bien, le couple a gagné son pari. Leur hectare de terre est l'équivalent d'un terrain de baseball. Et ça produit suffisamment de fruits et légumes biologiques pour approvisionner 200 familles. Wow! Donc, tu sais, si on regarde ça, c'est vraiment un modèle qui va être viable. C'est un modèle qui va perdurer aussi. Ils peuvent se rassembler un jour, mais tant et aussi longtemps que les producteurs vont vouloir se tourner vers la culture de petite surface, justement pour économiser sur les prix d'achat de leur terre. Parce que un hectare, c'est pas cher, mais si t'en as 12, bonne chance. T'sais. Donc, à ce niveau-là, de bénéficier d'une meilleure qualité de vie pour vivre de leur production, c'est quelque chose de maintenant possible pour les nouveaux cultivateurs. Ce que je trouvais, moi, intéressant dans leur démarche, c'est que on dirait qu'on... Quand on entend parler de ce mouvement-là, c'est comme un genre de... Il y a comme une chape là-dessus, grano... Ça fait hippie un peu. Mais en fait, eux... au-delà de parler, eux, ils sont pas dans le gros capitalisme sale. Ouais. Là, non, mais, c'est ça. Mais ils démontrent que, bon, ben ça, c'est un modèle économiquement viable. Ouais. Et puis, en plus, écologiquement viable puis très intéressant à adopter. Donc, aussi. Eux, ils disent, tu sais, il y a de l'argent à faire avec ça. Exact. Puis en ils plus, s'en cachent pas c'est non plus. Là. Mais non. Ils font de l'argent. Ils proclament. Oui. Ils disent, regarde, tu peux vivre de ça. Là. Puis bien vivre. Pas tu vis dans une tente. Non, c'est ça, à côté de ta ferme. Puis ça, c'est correct si c'est ce que tu veux faire. Oui. Exact, si c'est ce que tu recherches, tant mieux. Mais eux, vraiment, ils parlent, ben, il y a un succès économique à avoir avec ça, tu sais. Tout à fait. Fait que ça l'encourage les gens à se lancer là-dedans parce que je sais bien que moi, en tout cas, ça m'inquiéterait si. Je pense pas me lancer là-dedans, mais ça m'inquiéterait de me dire, ben, crime. Ça va-tu prendre 15 ans avant que je puisse manger autre chose que des tomates raisins l'été? C'est ça qui est difficile aussi, surtout quand on n'a pas nécessairement la ressource monétaire. Exact. À ce niveau-là, donc ça te coûte pas mal moins cher d'acheter un hectare de terrain que d'acheter une ferme complète. C'est sûr que c'est pas non plus quand tu hérites un héritage, eh bien, à ce niveau-là, de devoir aller acheter une ferme, c'est incroyable. Non, la paperasse, l'argent, donc pis le modèle est incroyable. Les petites fermes, à part que des mouvements comme ceux-là, les petites fermes, il n'en existe plus. Là, non, parce c'est que ça. Les gros producteurs, puis notamment à cause du capital étranger, ont vraiment pris... Bon, ben t'as 3 fermes qui étaient collées une sur l'autre, mais là, il n'y avait pas de relève. C'est les ça. Enfants ne voulaient pas reprendre la ferme. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vends à ton voisin, L'autre voisin, il vend aussi. Fait que là, t'es rendu avec une méga ferme. Ouais. Mm-hmm. Ben, la méga ferme, après, c'est de l'acheter. Faut que t'as la face roulée, là. Exact. C'est ça. Sinon, la méga ferme, hein? Ouais, exactement. C'est ça, exactement. Sinon, exactement. À méga ferme, ouais, en effet. Hey, parlant de jeu de mots. Sais-tu que Jean-Martin Fortier, il va se lancer des vêtements aussi, hein? Oui. Ça va être des fruits et leggings. Ouf. Bio. Oh bio. Mon Dieu, bio sans pesticides. Merci, Tania. Fait plaisir. C'est très intéressant. Tania, mais en très intéressant. Justement, les pesticides dont on a parlé en début de chronique qu'on veut éviter dans ces fermes-là, mais ils servent à tuer les bêtes des fois, fait qu'on écoute tuer la bête de Simon Kingsbury. C'est le lien que j'ai trouvé. C'est profond. Hein. Par la faute du nombre, j'ai perdu le Tuer la bête de Simon Kingsbury. On est en train de regarder les gens qui livrent en ce moment. C'est quoi? C'est de l'azote de quelque chose? De je sais pas trop quoi? Ça doit être... Pour la bière en fût. Ouais, exact. Le CO2 peut-être. Et là, on se faisait des théories sur pourquoi. Est-ce qu'ils ont un petit filet autour? Est-ce que c'est pour protéger pour qu'il y ait de cheveux qui tombent dessus comme dans les restaurants? Exactement. Est-ce que c'est comme les poires asiatiques pour empêcher qu'ils fassent des pocs, c'est ça? On sait pas. On sort des théories. Parce qu'on a du temps, cette fin d'émission. Voilà. Il reste un petit 3-4 minutes, puis on savait pas trop de quoi parler. Hein? Les deux sont sur la selle devant moi. Ouais, Est-ce que c'est pour chercher des sujets, j'imagine? Ben oui, clairement. Ça doit être ça. qu'est-ce qui te réserve? Que te réserve cette journée aujourd'hui, Gabriel? Oh mon Dieu, moi je m'en vais dans la fabuleuse région des Bois-Francs. Bois-Francs. Je cherche un appartement avec ça, d'ailleurs. Bois-Francs? Ah, un plancher en Bois-Francs. Bonne chance. Porte-Patio, y a-tu cette région-là aussi au Québec? Non. La région des Porte-Patio? Non. Non. La région des piscines hors terre, Repentigny et les alentours. Okay. Oui. Qu'est-ce que tu vas aller faire au Bois-Franc? Une entrevue pour un travail que j'ai ici à l'université. Oh, cool. Ooh. Oui. Tania, toi, ouais. Ta journée? Ben, je vais être à la station de radio, hein. On okay. va travailler toute oh. la journée. Quelle station, ça? 89.1, Mathieu. FM c'est à Trois-Rivières. FM à Trois-Rivières, exactement. Ouais, je vais faire la même chose pour moi, la journée. Tu es sur le campus de ouais. l'université. Mm-hmm. Moi, à Sorel? Ah, faux, à Trois-Rivières. Moi, je sais ce que je vais faire, en fait. Je vais écouter C'est fou toute la journée, hein, parce que plus tard, sur nos ondes, compte à rebours s'en vient à 10h. Ensuite de ça, on va avoir moi, le Mathieu Planchon. Je vais être de retour avec mon chroniqueur Frédéric Simon à partir de 15h pour parler de technologie et de jeux vidéo. À 17h, Audiomatique avec de la musique électronique. Ensuite de ça, à 18h, c'est une des dernières émissions d'EcouteDonc.ca avant la transition pour le synthétiseur. À 19h, Lob Trotter avec David Ferron. C'est votre mercredi sur nos ondes. Demain, à l'émission, on va être jeudi. Et on va voir... Oui. Ben, juste à l'émission, par juste à l'émission, c'est ce que je dis tout le temps, c'est ça. C'est juste à l'émission, on va être jeudi. À 7h30, on va avoir notre nouveau chroniqueur financier, Philippe Fournier, mm-hmm. qui va être avec nous pour sa première... Ben, des questions à lui poser. Moi, c'est juste qu'il va falloir en profiter parce qu'il nous reste juste 4 semaines à l'émission. Hein, mm-hmm. 3 semaines et demie rendu là, je pense. Donc, Philippe Fournier va être là à 7h30. Ensuite, à 8h, notre nouveau chroniqueur continuera d'être nouveau, Mathieu Janvier, pour ses chroniques Jeux de Société. À 8h30, David Ferron va être avec nous. Et puis, à 9h30, une grosse pointe à l'adresse. On va déguster quelque chose. C'est demain entre 7h et 10h. Sinon, ben, merci à nos chroniqueurs d'aujourd'hui. En fait, notre chroniqueur de 7h30, Sébastien Guertin, ouais. Pour son bulletin Guertin, notre chroniqueur de tantôt et qui est resté avec nous. Salut. Gabriel Béhoud. Ben, bienvenue, ça fait plaisir. Hey, je suis assez content. Hein, ouais. On changeait pas. Sinon, ben, bon, comme Marina Simi. C'est assemblagerequis.com, puis c'est pas mal ça. Ouais, ça Bonne ça. Journée, tout le monde. Bonne journée. Hey, bye, bon café. 15 secondes. Merci, Mathieu. Tu peux remplir un 15 secondes de quelque chose. Ouais, ben. Merci, Tania. C'est, hein, mais c'est ça. J'ai hâte au café, là, oui. Moi aussi. Mais tu sais, écouter la chanson de fermeture pendant 15 secondes, à peu près. À il en peu reste près. 30 à peu près, genre. Ah oh, ouais, tant que on va se faire enterrer comme aux Oscars. Ah oh, mon Dieu. Ça va être fort. Ils nous le disent, arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Bye. Salut. Salut.